Ok. Ça boit du café. Yo. Okay. Ok, je suis là. Pop, pop, pop, pop. Yeah, yeah, yeah. Ok. La porte. J. Okay. I am Englishman. Englishwoman. Ok. Down. No. Oh. Je suis obligé de me C'est pas grave du tout. Ok, good, nice. Ok, good, nice. Ok, good, nice. Ok, nice. Ok, good. Guitar. Guitar. Okay. Let's go. Okay. Thanks. Good. Night. Night. Light. Light. Light. Light. Light. Light. La vie. La vie. La life. c'est que des ingénieurs. C'est tout quoi. Il y a toutes sortes de gens, c'est une grosse entreprise. Ah d'accord. Elle travaille pour le SpaceX. Voilà. Pour que la fusée elle puisse aller sur la Lune, ouais. Sur Mars, sur Saturne. C'est chaud là-bas. Pour qu'elle puisse partir sur la Lune et la Lune. C'est quand tu rêves trop, c'est la psychiatrie. C'est ça, éveillé, hein, pas en réveillé. Quand tu veux des grandes choses, tu veux ça, c'est la psychiatrie. Tu peux le raconter à réveillé. On peut parler des réveillés. Ah, mais justement, tu rêves plus après. Tellement tu rêves éveillé, tu rêves plus après. Bah, si tu rêves, il faut rester au repos, mais sans penser à n'importe quoi, en étant calme. Tu comprends? Pas le micro. Il ne faut pas rester éveillé, il faut se reposer et rester calme. Tu comprends? Parce que le problème de la personne aujourd'hui, c'est que la personne elle n'est pas calme, elle est trop agitée. Elle est trop perturbée par la pensée. Et ça, c'est du trouble psychiatrique. Il y a des gens qui réussissent des grandes choses sans le vouloir. Il y a des gens qui réussissent des grandes choses sans les vouloir. Ouais. Il y a des gens comme ça, quoi. Sans les vouloir, ils réussissent des grandes choses. Mais dans la vie, quand on reçoit quelque chose, c'est qu'on veut. Mais le problème, c'est que la personne, elle refuse. Il faut pas refuser, il faut accepter. Mais ça dépend quoi? Et s'il faut accepter. Il faut refuser. Dans la vie, on leur donne quelque chose, elles n'acceptent pas. Les micros, ils sont fermés. Parce que Dieu a dit, vous devez accepter toutes choses dans la vie. Parce que sinon, ça fait de l'arsène. Mais tu acceptes tout? Dans la vie, il faut tout accepter. Que tout refuser, c'est compliqué. Oui, mais c'est soit déposer tout ou tout refuser. Mais dans la vie, il faut tout accepter. Pas forcément, parce qu'il y a des choses que tu acceptes pas. Mais si on n'accepte pas, après, Dieu ne peut pas ne peut pas envoyer son ange. Si Dieu envoie son ange, c'est que après l'ange. Prends le micro. L'ange elle pénètre dans la vie de la personne. Si l'ange pénètre pas, bah la personne elle a des problèmes au niveau du système nerveux. Bah en fait, c'est très cool. Micro, on va parler au micro, on est à la radio. Il y a un entier qui est venu manger à la maison, il y a un mois. Oui. Elle a mangé la maison à un mois. Il y a un mois. Oui. C'est le vicaire général, c'est numéro 2 en fait, chez les évêques de Sani. Et okay. En fait, après, quand ils ont appris à Rome qu'il mangeait à la maison, oui. Et bah, il a été élu évêque de Guadeloupe. C'est ce qu'il voulait depuis longtemps. Quoi. Là, maintenant, il est évêque de Guadeloupe. Oui. Là. C'est lui maintenant. Et comment il s'appelle? Après, lui Théophile. Ah, c'était Théophile. Théophile. Père Théophile, ouais. C'est pas bizarre, pédophile, Théophile. Non, non. Désolé, c'est une mauvaise blague. Mais non, mais c'est bizarre, Martin, quand même. Hein. Quoi, qu'est-ce que c'est bizarre? Bah, c'est bizarre parce que ça, c'est un peu grandiose. Que quelqu'un vient manger la... Un grand prêtre vient manger chez vous. Après, il est, ouais. Quelqu'un d'autre le sait. Après, il est... C'est un peu grandiose, ça. Ouais, mais moi, ça me fait pas grand-chose. Moi, je me dis, bon, bah voilà, il a été nommé ça, comme ça, il a été nommé. Bon, après, c'est beau, je sais. Parce qu'en fait, j'ai grandi avec des prêtres. En fait, c'est beaucoup de travail, toutes ces choses-là. Hein. Là, c'est beaucoup de travail après. Hein. Oui. J'ai une supposition. Vas-y, on t'écoute, on est là. Ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne, t'entends? Ah, parce que j'entends pas beaucoup. En fait, oui, voilà, là, c'est mieux. Alors, chez nous, les musulmans, bah, en fait, hier, avant-hier, pardon, vu qu'on est au mois de jeûne, et bah, du ramadan. Oui, voilà. Ramadan. Non, moi, je fais pas le ramadan parce que je peux pas, j'ai des médicaments. Mais il y a une nuit qui s'appelle la nuit du destin. Et c'est ce jour où Dieu a descendu le Coran sur terre. Et cette nuit-là et cette journée-là, il faut prier beaucoup et invoquer beaucoup. Et moi, j'ai fait une invocation qui a fonctionné. Ça veut dire que Allah m'a guéri. Dieu m'a guéri parce que j'avais une fibromyalgie. Normalement, j'étais diagnostiquée fibromyalgique jusqu'à en stade 4. Ouais. En stade 4. Et la fibromyalgie. Oh. Ah, la fibromyalgie, bah, en fait, c'est une maladie des c'est une maladie des du corps et des douleurs. Et en fait, bah, j'ai invoqué Dieu pour ça et le lendemain, je me suis réveillée et j'avais plus mal du tout, alors que ça faisait plus d'un an que j'avais mal. Et quelle prière tu utilises pour J'utilise juste des invocations, je disais en français et un peu en arabe. En français, je dis, Arab, fais que je guéris. Et accorde-moi la guérison. La piété, oui, accorde-moi la guérison, la piété et la guérison et la piété, la chance aussi. Et le fait que je puisse guérir, et il m'a guéri. Hier, quand je me suis réveillée du matin, j'ai vu que... T'entends rien, non? Non, on n'entend rien. Vas-y, continue. Eh ben... Oui, parce qu'en fait... Oui, là, c'est bon. Donc, du coup, en fait, hier, bah, c'est ça qui s'est passé. Bah, c'est choquant parce que j'ai cru que j'allais mourir avec la fibromyalgie parce que des douleurs, c'était puissante. Et maintenant, j'ai plus ces douleurs. En fait, normalement, je pouvais m'avoir mal. J'avais mal beaucoup. Et c'était inguérissable. C'était inguérissable. Installez-vous, asseyez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Passe-partout. Bienvenue à la radio Métanoïa. Mais c'est incroyable ce que tu dis. Alors, oui. Tous les auditeurs qui vont nous entendre, appelez-nous au numéro qui est affiché sur Pinot pour nous raconter votre histoire de guérison. Bonjour madame. Oui. Voilà, on va tous raconter une histoire de guérison. Je la raconte encore parce qu'ils n'étaient pas là, non? Oui, si tu veux. Oui. Et après, on va aller en direct, on va la raconter en d'accord, direct. D'accord, ok, pas de souci. Alors, là, on peut les parler l'émission à peine, tu vois. Donc, je recommence? Si tu veux, oui, comme ça, je recommence, ça ne me dérange ouais. pas. Allez. Alors, en fait, hier... non, pas hier. Avant-hier, c'était la nuit du destin chez les musulmans. Et c'est les derniers jours du mois de Ramadan. Et cette journée-là, en fait, et cette nuit-là, il faut prier, il faut invoquer. Et Dieu exauce. Et il exauce tout. Et moi j'ai demandé à Dieu de me guérir. Et j'étais... avant ça, j'avais la fibromyalgie, une maladie chronique des os, et des articulations et de tout ça. Et on m'a même dit carrément que je pouvais plus marcher et que j'allais être sur un fauteuil roulant électrique. Ils m'ont dit ça, les médecins, et que j'allais être dans une clinique spécialisée. Et carrément, bah, en fait, hier, je me suis levée très tôt, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je me suis levée et j'y croyais pas, j'étais choquée. Mais en fait, j'ai plus mal. En fait, mes invocations, elles ont fonctionné, mais j'ai plus mal. Et je suis choquée encore d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle encore, alors que la guérison s'est faite hier, mais je suis encore choquée et j'y crois même pas que j'ai pas mal. Parce que ça faisait un an, même plus qu'un an que j'avais mal. Ah, ça fait plus qu'un an que t'avais mal. Oui, et là, oui. Tu dois te guérir de ça. Là, en fait, c'est que je suis guérie. Ça veut dire... Tu es guérie, oui, vraiment. Je m'intéresse à Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est important pour oui, c'est très très important, oui. Parce que rajouter des maladies, ça va aller, déjà que je suis déjà malade un peu. Rajouter des maladies fibromyalgiques et blablabla, on en a marre. Mais en tout cas, bah, je n'ai plus la fibromyalgie, alors je suis très très heureuse. T'as plus la fibromyalgie parce que tu es heureuse? Non, parce que il m'a guéri. Bastien, racontez-nous ta guérison miraculeuse. Ma guérison, c'est qu'avant, le bassin n'arrivait pas. Et maintenant, il y a un domaine où le bassin arrive. Pourquoi ? Parce que si on s'investit dans la vie, le Dieu s'investit envers notre âme. Dieu, il s'investit. Si on s'investit dans la vie, on est prêt à se soumettre. Bah, Dieu aussi est prêt à s'investir pour notre âme. Parce que notre âme, elle venait de la perdition. Mais à un moment, on est sorti de la perdition pour avoir la vie. Dieu nous a expliqué si, que la personne doit obéir aux 10 commandements. Mais qu'est-ce qui était le problème de la personne? C'est qu'elle n'était pas prête à obéir à Dieu. Elle n'était pas prête à obéir. Et l'obéissance, c'est important malgré. Toi, est-ce que tu as une guérison miraculeuse comme la on a guérison, raconté? C'est qu'à l'époque, je n'arrivais pas. Oui. Et là, maintenant, j'arrive. Pourquoi? Parce que le bassin, il décide, c'est tout, c'est maintenant, tout ou jamais. Ah oui. C'est tout ou jamais. C'est soit tu déposes ta vie vraiment, soit tu déposes ta vie vraiment, ou soit ça ne marche pas. Soit tu es prêt à faire de tout pour que ça avance, soit ça ne marche pas. Mais il faut que ça marche, en tout cas. Ok. Ok, on te suit un peu. Il faut que ça fonctionne dans la vie, il faut que ça fonctionne. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux que ça fonctionne pour toi? Ça fonctionne que la personne, si elle croit à la protection divine, bah alors la protection divine, elle guérit. Elle peut te guérir aussi, la protection divine. Tu comprends? Ah, tu es guéri de la protection divine. Mais elle vient de raconter. Voilà, donc est-ce que toi, Divina, tu t'es guéri avec quelque chose de protection divine? Bah, avant, j'entendais des voix qui me disaient de jeter la pipe par terre, ouais. De frapper ma mère, plein ça, de trucs. C'était bien ça? Tu crois que c'était bien? Non, c'était... Il faut que tu changes. Laisse-la finir. C'est les voix que... Elle est en train de raconter son histoire, tu la laisses finir. C'est les voix que j'entendais. Ensuite, j'ai fait la TMS. C'est une expérience qui permet de retirer toutes les voix qu'on entend, enfin, ceux qui ont trop de voix dans la tête. Et depuis, ben, j'entends moins d'insultes, moins de choses agressives, et j'ai réussi à lire la Bible en entier. Voilà. Et tu te convertis? Oui. Non. De plus en plus. Tu lis la Bible de plus en plus. Voilà, c'est ça. Je lis à fond. Et tu arrives de plus en plus, c'est ça? Oui. Mais tu sais qu'on est heureuse pour toi aussi, hein? Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une guérison miraculeuse à raconter? Farouk, je suis sûr que tu as une guérison miraculeuse. Vas-y. C'est le moment. Ou quelqu'un d'autre. Vincent, tu veux nous raconter un truc miraculeux? Tu as plein de trucs comme ça, miraculeux, toi. Vas-y. Déjà, je suis en vie, je suis un miraculé. déjà, c'est ça. Déjà. Au bas, voilà. Non, mais en fait, c'est parce que... C'est ça qui explique le docteur, en fait. Il a dit en fait que il parlait en fait d'une personne qui a été dans mon pays en Inde, une femme qui sortait de l'hôpital psychiatrique, et elle en fait elle croyait qu'elle avait une mission divine. Mais il y a des gens qui croyaient vraiment ça, quoi, parce que ce qu'elle a fait, c'était fort. Elle a réussi à vivre jusqu'à 85 ans, elle a réussi à voler l'argent de plein de gens, elle a construit tout un truc immense en Inde, dans toute une région, et encore maintenant, hein, il y a des magasins, des trucs, des business, des trucs, hein, et elle a vécu très longtemps. Mais la femme, elle était malade, en fait. C'était une femme qui a quitté la France pour aller en Inde parce qu'en fait, elle a fui l'hôpital psychiatrique, en fait, quoi. Parce que sinon, elle allait l'interner, en fait. Et toute sa vie, elle a cru qu'elle avait une mission divine, en fait, quoi. Et encore maintenant, il y a des gens hindous qui la vénèrent, en fait, quoi. Ouais. Et c'est le docteur Hero qui m'a dit ça, en fait. Il m'a parlé ça pour dire que moi, je croyais... Ouais, on parle du loup, là, il arrive. Vous pouvez vous installer, docteur Hero. Installez-vous, docteur. Ah oui, mais lui, il n'est jamais à la place qu'on lui dit. Moi, je crois en fait qu'il y a des gens en fait qui sont en psychiatrie qui croient avoir des missions divines, en fait, quoi. C'est quoi ta mission divine? Moi, j'ai pas de mission divine. Non. Qui a une mission divine ici? À moi. Ouais. La mission divine, c'est que si la personne est là, la protection divine. Alors dans toute chose, elle évolue. Dans toute chose, elle progresse, elle évolue dans ce qu'elle fait. C'est elle a la divinité dans sa vie, c'est elle a la protection oui. divine, mais elle est prête à devenir une personne de nouveau, à renaître de nouveau, tu vois. Si elle est... Attends, une espèce de miracle que j'ai en fait, c'est que change d'apparence en fait, par exemple. Ah, tu as changé d'apparence. Moi, je change d'apparence. Il y en a qui savent, Ouais, ouais, ça s'appelle la transfiguration. La transfiguration, voilà. C'est là en fait que bah déjà dans mon passe, je vous ai montré déjà la dernière fois. Rajeuni, non, parce que lui, il a trouvé le secret pour rajeunir. Il a trouvé le secret. Il est parti en Inde. Il est revenu plus jeune qu'avant. Attends. Micro, prenez le micro. On se voit dans. Tu prêtes le micro, Bastien, parce que tu en as deux là. Tu en as un micro là sur la. Et on le voit, alors... Martin, on le voit dans la. Dans mais la ouais, ouais, je le alors vois. C'est... Ouais, vas-y. Alors c'est simple. Moi, bienvenue. C'est simple. Fadela, bienvenue, prenez place. Il y a des chaises là-bas. Peut-être tu peux libérer cette chaise. C'était ça, si tu. Là-bas, il y a des chaises. Là-bas, à côté du fauteuil, tu vois, ou amener de. Oh, dehors, il y a des chaises. Peut-être mettre ici ou un truc. C'est parce qu'on simple. Est nombreux aujourd'hui. Vas-y, on t'écoute. Oui, c'est simple, parce qu'en fait, moi, pour moi, la réincarnation existe. Ça veut dire que... c'est pas... Non, elle n'existe pas, c'est faux. Non, mais en fait, parce qu'en fait, j'ai juste un truc à dire, c'est quoi ? C'est que moi, vu que j'aime bien Molière, eh ben, je me suis mariée avec Molière, mais je me souviens plus quand. Ah, tu t'es mariée ? Oui, voilà, c'est ça, Molière l'écrivain. Donc du coup, je me suis mariée avec lui, voilà, on a passé des très bons moments ensemble. Il est décédé, et moi je suis décédée, et maintenant je suis dans ce corps-là. Oh, voilà. Ça c'est très bien, bravo. Bah oui, parce que... Okay, c'est pardon. Parce que... vas-y, c'est passionnant. C'est parce que, en fait, parce que Molière, il est fort à son temps, Molière... Eh ben, je connais à peu près toute son histoire, en fait. Parce que Molière, en fait, lui, il était censuré dans ses pièces, alors qu'il avait des censures énormes. Et pourtant, et il passait devant le peuple, et le peuple l'acceptait. Mais en fait, c'est pas lui qui acceptait pas. C'était... je sais plus c'était qui. Mais je crois qu'elle sait, parce qu'elle a hoché de la tête. Voilà. Ibtissam. C'est ça. D'accord. C'est égyptien ? Non ? Pas aucun. Enfin, maghrébin. Oui, c'est très bon. Ibtissam, oui, c'est joli. Sourire. Voilà, c'est ça. Il a donné un micro à Ibtissam. Bastien, tu peux le prêter un micro ? Il a été censuré par le roi, entre autres. Molière a été censuré par le roi et la cour, entre autres. C'est pour ça qu'il usait de tout. Oui, c'est pour ça qu'il usait de tout plein de subterfuges pour essayer de passer entre les mailles du filet. Ah oui, c'était un petit malin, Molière. Un grand malin. Un grand malin. Il y a un autre micro. Vous avez eu de la chance. Là, tu as le micro 5, tu prends le micro. Il y a un micro pour tous. C'est pour ça que c'était mon mari. Ah oui. C'est tout simple. Et comment tu l'as connu, Molière ? Je l'ai connu comment ? Dans une fête. Oh, la méga fête ? Oui. C'est la fête chez Chateaubriand ? Non, c'était une fête... en fait, il a fait une pièce, ouais. Et c'était la pièce, c'était l'école des femmes de Molière. Ouais. Du coup, je me souviens plus la date, bah, ça fait longtemps, quoi. Et donc, du coup, il m'a dit « Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse le malade imaginaire ensemble ?» Et puis, j'étais choquée. Je lui ai dit « Oui, mais oui, je veux !» Il m'a dit « Je vous prends comme femme, épouse, je vous prends comme épouse ouais. !» Voilà ouais. Voilà, j'ai commencé. J'ai rendez-vous ce soir. Bah attends, mais arrête, tu n'es même pas arrivé, Bastien. Bastien, mais tu nous chantes une petite chanson avant de partir. Je te dis au revoir, j'ai rendez-vous ce soir là. Tu es trop occupé ? Mais libère-toi les mercredis parce que sinon on a besoin de toi pour guérir là. Ah non, mais c'est excellent votre histoire de Molière. Et oui, totalement. Et j'ai aussi, quand c'était l'école des femmes, en première de bac. Bah, j'ai fait un prologue sur l'école des femmes de Molière. Et j'étais prise par en fait, dans le jeu, je ne savais pas qui y avait. Ouais. Et on m'a annoncé qu'il y avait des gens du cours Florent. Cours Florent. Cours Florent, ouais. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ma prof de théâtre, elle m'a dit, ah bah, si tu arrives, si, ils sont d'accord, si tu as réussi. Bon, à l'écrit, je n'ai pas réussi. Donc, du coup, j'ai réussi à l'oral, mais pas à l'écrit. C'est pas grave. C'est pas grave, puisque tu es la femme de Molière. Tout le monde a réussi à marier Molière. Exactement, je suis totalement d'accord avec vous. Voilà. Ouais. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Tu parlais de... Là, oui, Florence. Florent. Florent, ouais. C'est pas une invention, attention, c'est vrai. Bah oui. Oui, c'est vrai, ce que je dis. Bah, ma prof de français, Madame Breton, les villes en voix, elle fait les villes en voix sur Internet avec une troupe, maintenant. Hein. Avant, c'était ma prof de français et ma prof de théâtre. Et donc, du coup, j'ai fait quelques cours Florent là-bas. Et j'ai pas payé. Tu as fait du théâtre, alors ? Oui, beaucoup de théâtre. Tu as joué quoi comme pièce ? Ah, j'ai joué énormément de pièces. J'ai joué plein de pièces. Micro Vincent Farouk, tu le prêtes un peu là. Oui, voilà, c'est bon. Ça se trouve, tu vas faire du cinéma, mais bonjour Fadela. Ouais. Et en fait, t'as été jusqu'où à l'école ? Ah bah j'étais. Bah en fait, mon cursus scolaire il est chiant parce qu'en fait, je devais aller à l'ESA direct, mais c'est ma mère, elle m'a dit ah non, tu vas pas là-bas, je sais pas pourquoi. Elle m'a dit tu vas au lycée. Mais moi, je suis perdue parce que j'étais en IME. Donc, j'étais perdue. Et j'ai... À part le... En fait, je venais à l'école que pour le théâtre et pour la cantine. C'est tout. Tu as raison. Oui. Tu n'aimais pas l'école, quoi ? Je détestais l'école. Et c'était mieux l'IME. Largement mieux. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Bah, moi, en fait, j'ai plein de potes à moi, en fait, ils ont arrêté l'école, ils ont eu leur bac, après ils ont fait un BTS, mais ils avaient un ordinateur, ils bidouillaient sur leur ordinateur, ils se sont achetés un ordinateur et maintenant ils sont dans l'informatique, ils gagnent bien leur vie, quoi. Il y en a même qui n'étaient même pas forts en informatique, ils étaient forts en maths, ils ont eu un bac S, après ils ont fait un travail de manager, après ils se sont fait virer à l'époque des contrats de professionnalisation. C'est-à-dire en fait que c'était pas un contrat normal, quoi. C'était un contrat de professionnalisation. C'est ça qu'on a pas on peut vous virer et on vous donne pas votre indemnité de chômage. En fait, ça se passait comme ça. Et alors, après, ce qu'ils ont fait, ils ont aidé en province, ils ont fait une formation dans l'informatique en 4 mois. Ils l'ont eu et maintenant ils sont chefs de projet. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans tous les secteurs du marché de l'emploi, il y a des failles, en fait, quoi. Oui. Il y a des endroits, par exemple, où on va dire, ouais, les robots ceci, les robots cela. Il y a des failles où même si vous êtes rebeu, ou même si vous êtes indien, ou truc, ou chinois, ils vous prennent parce qu'en fait, c'est l'avenir, quoi. Il y a la cybersécurité, mais là, c'est pas bien parce que c'est la police des informaticiens. Donc là, il y a vraiment beaucoup de travail, mais il faut aimer, et puis c'est risqué, donc c'est dangereux, donc les gens ne veulent pas faire ça. Mais par contre, il y a des trucs comme créateur de sites internet ou... Créateur de jeux vidéo. Ouais, il y a créateur de sites internet ou programmation comme Java. Créateur de mondes parallèles. Non, ça, c'est pas l'informatique, ça. Les mondes parallèles, en fait, ça existe vraiment, hein, les mondes parallèles. Hein. Ah, je sais, c'est pour ça que je te lance là-dessus. Parle-nous de mondes parallèles, s'il te plaît, docteur. Alors, en fait, le monde parallèle, en fait, c'est quand vous avez un haut degré de spiritualité... En fait, il y a des mondes parallèles, en fait. Vous voyez des gens qui n'existent pas, mais qui sont là quand même dans votre imagination, quoi. C'est le cerveau, quoi. Ou alors, par exemple, il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui parle, en fait. Mais il ne parle pas de la personne. Il parle pour vous, mais pas pour la personne, quoi. Ou alors un gars qui va dire des choses comme... Il va vous parler, mais vous allez le voir, il va vous parler, mais il n'existe pas, en fait, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de gens comme ça, en fait, qui ont atteint un haut degré de spiritualité. Ils n'en parlent pas aux gens, quoi. Parce qu'en fait... C'est très subtil, un peu. Il reste secret parce qu'en fait, c'est un peu... c'est un peu, comment dire... c'est tabou. C'est pas tabou, mais on ne peut pas dire... Oui, moi, je connais des gens, je leur parle, mais ils n'existent pas, quoi. Donc, ça ressemble à la psychiatrie, mais ça existe vraiment, quoi. Et tu as vu quoi comme monde parallèle, là ? Bonjour, les jeunes. Bonjour les mondes parallèles. Moi j'ai. Sont venus les parallèles. Bonjour, bienvenue. Moi j'ai pas vu de monde parallèle, mais. Bonjour, moi oui. Raymond. J'étais Quentin, ah, désolé. Hein. Prenez place, là, Quentin, là, mettez-nous là. Là. C'est pas grave, ça me fait de la place. Moi, par exemple, un exemple. Après, tu t'installes une chaise là pour que tu joues là. Un exemple. Un jour, je dormais, je me suis réveillé. Vas-y. J'ai vu deux personnes comme ça. C'était comme des anges dans les films. Mais ils étaient vraiment. Imna, tu veux prendre une autre chaise ou là-bas, là, tu vois, regarde. Des anges, en fait, qui étaient là autour de moi. Deux personnes, deux anges. Et ils étaient vraiment là. Hein. Là-bas, tu peux. Sinon, je tu peux suis prendre... d'accord avec toi. C'est quoi ton Vincent, prénom Vincent. Ouais. Je suis d'accord avec Vincent. Je suis choquée et parce que je savais pas que ça pouvait s'appeler un monde parallèle parce que c'est ce qui m'est arrivé en 2019. Oui. Suite à une hospitalisation, blablabla, voilà. Et en fait, j'ai vécu ce qu'il me dit, mais vraiment vécu. Ça veut dire que moi, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, on m'a fait un sevrage brutal et le monde parallèle est arrivé à moi. Alors, dans ma chambre, j'étais enfermée, mais dans la vitre, je voyais un autre monde. Et en fait... J'aime pas parler de ça, mais je veux en parler. Parce que c'est pas grave. C'est l'occasion, là. C'est pas la maladie mentale. Hein. C'est pas la maladie mentale. En fait, moi... c'est très, très bizarre, hein, vraiment. Vous voyez le... je vais parler comme ça. Non, comme ça. C'est bien. Comment il s'appelle la série... Ghost Whisperer. Voilà. Non, mais... Non, Ghost Whisperer, ça se dit pas comme ça en anglais. Ghost Whisperer, comme chuchotement de fantômes, un truc comme ça. Oui, voilà. OK. Voilà. En fait, le Ghost Whisperer, voilà, en fait, il s'est passé qu'un jour, je marchais et puis j'ai vu quelqu'un. C'est pas une hallucination du tout. Je l'ai jamais dit, en fait. Ouais. Mais c'est un don. J'ai un don. C'est que on m'a annoncé un jour la mort de quelqu'un, sauf que peut-être 2 heures après sa mort, je dormais, donc du coup je ne savais pas qu'il était mort. Ouais. Et bah je l'ai vu dans mon rêve et il m'a dit qu'est-ce que je fais ? Je suis où ? Je fais quoi ? Et ça m'a choqué et ça me faisait des cauchemars. Je me réveille, on me dit bah il est mort. Depuis combien de temps exactement ? Et puis on me dit, c'était hier ou c'était dans la nuit. Ouais. Et moi, la personne, je la vois dans l'état dans lequel elle est morte, qui vient me dire en rêve, qu'est-ce que je dois faire ? Et tu lui as répondu quoi ? Bah, je lui ai répondu, s'il te plaît, je dors. Je lui ai répondu, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vient te déranger si je ne sais même pas t'es qui. Ouais. Soit la personne, je la connais, soit la personne, je la connais pas. Oui, mais il est mort comment ? Prends le micro. Ton prénom, j'ai oublié. Jamina, vas-y. Il est mort comment ? Bah, en fait, il y a un cas, par exemple, où est-ce qu'il est venu dans mon rêve ? C'était, il est mort d'une une rupture d'anévrisme, mais je le connaissais. Et en fait, c'était ma copine, c'était son frère, comme on dit, paix à son âme, voilà. Et il est mort. Moi, il est mort dans le matin, mais très tôt. Il est tombé sur son frère et il est mort, voilà. Et moi, je l'ai vu, je crois, je dormais encore hein, quand je l'ai vu. Hein. Et je l'ai vu mort. Et en fait, il m'a dit, je lui ai dit, Amara, c'est toi ? Et il m'a dit, oui, je suis plus de ce monde. Lui-même me l'a dit, en fait, c'est super ambigu à expliquer. Non, mais ça existe. C'est ce qu'on appelle l'interprétation des rêves. Et la dernière fois, on en a juste parlé brièvement, mais on n'a pas approfondi le sujet. Mais les rêves, ça peut être révélateur, ouais. C'était pas un rêve, en fait. C'était pas un rêve. Non, c'était pas un cauchemar non plus. Non, c'était une... C'est parce que depuis tout à l'heure, j'explique qu'en fait, j'ai un sort de don de voir... Ah, c'est une flash. Non, c'est un don. Donc... En fait, c'est un don bizarre parce que personne, je sais pas, les personnes ne le disent pas à la base. C'est comme dans Cinquième élément. C'est comme dans Cinquième élément. Oui, voilà, comme un Cinquième élément, comme Vincent dit. Donc du coup, moi, la personne qui est décédée, je la vois. Oui. Et je sais pas ce qu'elle veut, mais en tout cas, je la vois. Mais elle est bien décédée. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Moi, ouais, ouais, c'est tu, difficile un tout peu. Tout avance à la temporalité, ouais. Ça fait peur en fait un peu. Non, ça fait pas peur. Ici, les métanoïaques, on est prêt à tout ici. Hein. On est là, on est. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. On est solidaire. Bon, attention à la guitare, Davina, Quentin, s'il te plaît. Arrêtez tous les deux là. Les hyperactifs. Salut Quentin. Oui, oui. Et vas-y. Donc du coup, ce don, je l'ai depuis depuis que j'ai 5 ans. C'est pas pareil. Ah bah c'est super. Depuis que j'ai 5 ans. Qu'est-ce que tu voulais dire, Vincent? Vas-y, Vincent voulait réagir. Bah moi, en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que en fait, il y a des trucs. Par exemple. Vas-y, on est en confiance. Vite, regarde, j'ai du alors, en fait, ce qui s'est passé, moi. Ouais. C'est que en fait, quand j'étais en Inde, je suis resté 2 ans et demi en fait là-bas, quoi. Ouais. Et mes parents sont très croyants. Donc ça veut dire qu'on a été dans tous les premiers samedis du mois. Du premier mois où on est arrivé jusqu'à la fin, on a été dans un bastion catholique. Ouais. Dans 2 bastions catholiques, mais vraiment, qu'ils ont vraiment, où il y a des apparitions, hein, vraiment des trucs vraiment quoi, qui sont passés. Quoi. Ouais. Et ça, c'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, le jour de mon anniversaire, on allait toujours le premier samedi du mois. Quoi. Ouais. On allait toujours le premier samedi du mois. Et à mes 40 ans, c'est tombé le 3 février. Et c'était le premier samedi du mois. Donc on est parti là-bas. Après, mais par contre, là, quand on est parti, on a pris la voiture, mais c'était vraiment un chauffeur. C'était un chauffeur garde du corps, quoi. Vraiment, c'était un chauffeur garde du corps, quoi. Parce qu'il y a eu les guerres de religion, c'est dangereux, l'Inde, quand même, quoi. Ouais. Il a conduit un pro de. Et en fait, on est parti, il y a eu d'abord le premier bastion catholique, on était là-bas. Après, on s'est rendu dans un autre bastion catholique. Et il y a un prêtre qui avait une tête vraiment bizarre, quoi, mais bien, quoi. Il m'a regardé tout en bas, il a dit « very good ». Et après, on a dormi, on est rentré. Et là, on est parti 5 ans après. Ouais. 5 ans après, on est parti là-bas. C'était cette année, quoi, en février. Et c'est tombé encore le premier samedi du mois. Ouais. C'était 5 ans, jour pour jour, quoi. Ah oui. Et là, en fait, mon père, il a appelé le pape, en fait, à ce moment-là, quoi. Il l'a le pape en direct. il m'a appelé devant lui. Quel un pape cardinal. Ah, c'était le, quel le pape François, à l'époque. Le pape François. Ah, ouais. Et il a appelé un cardinal, il m'a montré. Oui. Et en fait, je sais pas si c'est vrai ou si c'est dans mon imagination. bah, c'est un peu les deux, hein, des fois. Hein. C'est top. Là, c'était dans mon imagination. Non, mais tu sais, l'art, c'est, enfin, les histoires, la création, c'est entre les deux. Par contre, les dates, c'était vrai. Les dates, c'était vrai. Hein. Et en fait, il y avait des, c'est ça qui fait que toujours j'ai des ça reste, ça part pas l'émission divine, quoi, parce qu'après il y a un gars qui va me dire quelque chose. Et en fait, c'est le docteur Haro qui m'a expliqué c'est quoi. C'est qu'en fait, il y a des gens, en fait, on les voit comme ça, on dit ah ouais, eux c'est ça, ça rentre dans la croyance d'une telle personne. Oui. Même d'une personne qui peut être athée, il peut dire ouais, ça c'est, j'ai vu ça, quoi. Mais là, je suis en train de sortir de la mission du délire mystique, de la mission divine, quoi. Oui. Et ça me fait du bien, quoi. C'est une coïncidence, quoi, en fait. Mais ouais. Est-ce que vous avez revu la même personne? Non, j'ai pas vu la même personne. Je vous ai pas montré. J'ai montré au docteur Serra, mon médecin. Ouais. En fait, on a construit une église, en fait, là-bas. À une heure de où est-ce qu'on habite, on a construit une église. Et en fait, il y a l'archevêque qui est venu avec 5 prêtres pour faire l'inauguration, quoi. Ah oui. Et en fait, l'église, elle a été faite. Et les gens du village, ils ont dit, en fait... Ouais, salut Jérémy, bienvenue. Là, on est en 1 minute, on est en live. On va sortir en live dans 6 minutes. Et en fait... Viens, Jérémy, arrête. L'archevêque, en fait, il a... Non, les gens du village, ils ont dit qu'il faut que je prenne la relève après. Parce que mon père est âgé, il a 82 ans. Et en fait, il a dit que c'était moi. Ils pensent que je vais être riche. Et en fait, ils disent que c'est moi qui vais prendre la relève, quoi. Ben oui, là, on est sur Radio Métanoïa, sur Pinode, on est en direct sur les ondes DAB et sur toute la planète sur le site web de Pinode. Et là, on est en train de raconter des guérisons miraculeuses, des mondes parallèles. Donc, si vous avez une histoire à nous raconter, n'hésitez pas à nous appeler au 06 60 27 06 79. Je répète, 06 60 27 06 79 et vous nous racontez vos histoires de dédoublement, d'hallucinations, de guérisons miraculeuses, des mondes parallèles, quoi d'autre ? Et de mentalisme. Mentalisme aussi. Allez-y. Ivna, enfin, chacun peut parler une histoire. Ivna, il en a plein, je sais. Vas-y, Ivna. Oui, toi aussi, tu prends un micro. Quelqu'un peut lui prêter un micro. Attends, d'abord. Les rêves, c'est ce qu'on vit dans la journée. Oui. Et il y a des rêves diurnes, des rêves nocturnes. Et il y a des rêves. Prémonitoires. Oui, ça arrive souvent. Vous avez des rêves prémonitoires ? Oui. Par exemple, vous pouvez nous raconter un ? Ben, je rêve souvent de. Je rêve souvent de. De ce que je vis. C'est-à-dire que vous rêvez les choses avant qu'il arrive, c'est ça ? Non, je rêve de ce que je vis ici. En même temps ? Donc vous avez deux vies en même temps ? Non, j'ai une vie ici. Et vous rêvez en même temps que vous vivez ? Je rêve de ce que je vis à l'hôpital. Ah oui ? Je fais pas de cauchemar, c'est vraiment la vérité. Oui, ouais. Oui, et comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous rêvez avant, après ou pendant que vous vivez ? Je rêve pendant et après. Pendant et après. Ah oui. Mais c'est des rêves réels. Hein. Ah oui. C'est pas des rêves inventés ou. Okay, mais vous, racontez-nous un rêve que vous, avez, vous gardez en esprit comme ça. Ben, je rêve que souvent que je suis avec mes enfants, que je suis pas à l'hôpital. Et je rêve tellement fort que quand je me réveille, ben, je suis heureuse. Ah oui. Je me dis, c'est pas un cauchemar, c'est la vérité. Mais oui, on peut rêver des choses qu'on fait en parallèle. Mais je fais pas de cauchemar, hein, pas du tout. Je pourrais très bien faire des cauchemars, mais j'en fais pas. Oui. Mais vous les voyez, vos enfants, du coup ? Mes enfants, je les vois pas, c'est pour ça que j'en rêve très fort. Je les vois très peu. Ah oui. Si je les voyais plus souvent, peut-être que j'en rêverais moins. J'en rêverais moins d'eux. Ouais, mais c'est intéressant. Ivna, tu voulais... C'est tellement puissant que j'espère y voir très bientôt et je vais voir ma fille bientôt, là. Ouais. Et je rêve aussi... je rêve de m'en sortir dans la vie parce qu'il y a toujours un espoir. Quand on sait que... qu'on a travaillé et qu'on y croit, c'est plus un rêve, ça devient de la réalité et c'est réel. Eh oui, ouais. Voilà. Vous connaissez l'histoire de Chuang Tzu ? C'était un... L'histoire de ? Chuang Tzu, c'est un sage chinois, taoïste, qui rêvait qu'il était un papillon, qui volait dans les airs, qui était très heureux. Et en se réveillant, il ne savait plus si c'était Chuang Tzu qui rêvait d'être un papillon ou c'était un papillon qui était en train de rêver qu'il était Chuang Tzu. Donc est-ce qu'on a une espèce d'aller-retour entre les rêves et la réalité en permanence ? Comme ça, on a une espèce de double vie tout le temps. Moi, je ne confonds pas le rêve et la réalité. Je pense que ce que j'ai vécu, c'est réel. Et ça existe. Ouais. Mais ça, c'est encore autre chose. Je pense que j'ai travaillé pour gagner plus. Et je continue à travailler pour gagner plus. Alors, Ivna, racontez nos expériences. Attends, Vincent, mets-toi là-bas avec un micro. Mais attends, Ivna, il va. Juste une intervention de Vincent et après Ivna. Les malades mentales, c'est des insatisfaits chroniques. Hein. J'ai lu un livre là-dessus. Hein. C'est des insatisfaits chroniques. Comme les artistes. Comme les artistes, oui. Ouais. Ben, moi, par exemple. Oui. Par exemple, j'ai énormément d'hallucinations auditives et visuelles. Quand j'ai été hospitalisé ici à Villevra, par exemple, j'ai vu un gorille carrément dans les couloirs. Il me souriait. Et je vois des revenants, je vois des lumières, plein de trucs, surtout la nuit. Beaucoup, beaucoup de revenants. Encore aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore guéri, je pense. Parce que normalement, la guérison, tout ça, ça s'en va avec la guérison. Pas forcément. Enfin, oui. Je dis normalement, mais il y a toujours des exceptions. Oui, là, les métanoïaques, nous, on hallucine, on fait des choses, mais on n'est pas forcément malade. On est des métanoïaques, c'est tout. Non, là, Ivna, mais allez-y, racontez, parce que c'est vrai que vous avez plein d'expériences comme ça, qui parlent d'un monde parallèle, des autres existences. Par exemple, une fois, j'ai arrêté de prendre mon traitement parce que j'en avais marre. Et je suis venu ici pour parler avec un docteur et tout. Et j'entendais plein de personnes qui parlaient de terrorisme alors qu'ils ne disaient pas ça. Ils disaient d'autres choses. J'entendais des bruits vraiment bizarres et tout. Et une fois, ben, j'entendais des voix qui me disaient, vas-y, sors de chez toi, sors de chez toi. Je suis sortie de chez moi, voilà, j'ai fui, on va dire, parce que j'avais des problèmes aussi avec ma mère et tout. Et il y a des voix qui m'ont dit, mets-toi tout nu dans la rue et crie, danse, chante, fais n'importe quoi. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est là qu'après, la police, ça m'a arrêté, enfin, ils m'ont conduit à l'hôpital, et là, j'ai été hospitalisée ici, pour la première fois. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer à chanter, à danser, à faire de la peinture? Hein, c'est ça, des fois, il faut suivre les conseils, hein, tout simplement, hein. Ce que madame vient de dire, ma fille était très renfermée petite, elle parlait plus. Alors je lui ai dit, tiens, Laïla, je vais te donner un bon conseil. Tu vas aller au parc du Clos à Drancy, tu vas courir et tu vas crier très très fort pour voir si elle était coincée ou pas. Tu vas crier le plus fort possible sur les larmes aux yeux, puisqu'elle parlait plus. Pourquoi? Pour peut-être la petite enfance. Elle s'est mise à crier, et là j'ai eu de l'espoir parce qu'elle a reparlé. Oui. Et j'ai crié le plus fort possible et elle reparlait. Donc là j'ai. Oui, il y a une thérapie. Elle grandit. Il y a une thérapie à l'époque qui s'appelait comme ça les cris primaires. Oui. Qui on disait qu'il fallait revenir aux premiers cris qu'on donnait. Exactement. Lorsque on était né. Quand on sortait du ventre de notre mère, on poussait un cri comme ça. Montre que tu existes. Et c'est ce qu'elle a fait, et là je. Est-ce qu'on peut tous crier comme ça une fois? 1, 2, 3. Ah! Voilà, un cri, le cri primal. Ça, c'est pas interdit. Sur Metanoia, sur Pinot, on crie, on raconte nos histoires de doubles miraculeuses, plein de choses. Et Jérémy, est-ce que tu as une histoire comme ça, des dédoublements, de mondes parallèles, des hallucinations, de trucs? Prends le micro. C'est quoi le thème aujourd'hui? C'est ça, c'est guérison miraculeuse, monde parallèle, hallucinations, d'autres plein de trucs. Ouais. Expérience de l'au-delà, tout ça. Je sais pas, en ce moment, depuis que je suis redescendu, il n'y a rien. Wow. Je sais pas. Ouais, franchement, faut voir. Hein. La galaxie, mais on a tous des univers dans notre esprit, mais voilà, on ne communique pas de la même manière, on va dire. Oui. Mais comment tu te mets en contact avec le... L'au-delà? Ouais. Ah, je sais pas. Hein. Je suis redescendu pour le moment. C'est pour ça qu'on ne te voit plus? Ouais, c'est peut-être aussi pour ça. Ouais, non, mais il faut garder une main dans l'eau et une pied sur terre. Il faut entre les deux. Hein. Ouais, c'est vrai. Sinon, c'est vrai. Si tu tombes bas, c'est naze. C'est si tu tout au nord, c'est trop. Il faut faire l'aller-retour. Ouais, tu prends ton abonnement et tu vas et tu reviens. Ouais. Et vous, sourire, j'arrive pas à me dire, c'est qu'ils sont riches. Vous pouvez prendre un micro là? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous raconter une expérience comme ça miraculeuse, je ne sais pas. On a parlé de rêves prémonitoires, je ne sais pas si c'en était un. Mais en 2017, il me semble, entre 2016 et 2017, j'ai pu faire le rêve. Alors, j'étais face à ma télévision et je regardais un reportage sur des enfants cancéreux. J'avais pu comprendre que c'était des enfants cancéreux parce qu'ils n'avaient pas de cheveux, de par la chimiothérapie, etc. etc. Et ils expliquaient leur parcours de soins et ils avaient un sourire magnifique. Ils rayonnaient, ces enfants-là. Quand bien même ils étaient au port de la mort, ils rayonnaient. Et voir ça, moi, ça m'avait attristée. Comme pas permis. Et là, mon père, toujours dans mon rêve, il entre au salon, il me regarde avec les larmes aux yeux et il me dit, ma fille, je suis désolée. Et je pleure, et dans mon rêve, je pleure. Et quand je me réveille, je pleure aussi. Et ça m'est jamais arrivé de ma vie, mais vraiment, jamais. Faire la transition entre le rêve et la réalité en passant par les larmes, c'était la première et unique fois d'ailleurs. Et quelques mois plus tard, on a appris que mon père avait effectivement le cancer. Donc je ne sais pas si c'est un rêve prémonitoire, mais c'est arrivé. Oui, c'est ça. En fait, c'est peut-être la perception qui s'avance à la réflexion. Vous voyez, donc on perçoit des choses, on est des antennes, quoi. Après, j'essaye de relationaliser la chose en me disant que comme il fumait beaucoup et il toussait, j'ai une toux très grasse pendant un bon nombre de mois. Ça pouvait aussi s'entendre comme ça. Enfin, je veux dire, c'était pas forcément un rêve prémonitoire, mais plutôt une suspicion rationnelle, finalement. Et ça s'est matérialisé par ce rêve. Donc, je sais pas vraiment si c'est surnaturel ou pas. Mais bon, en tout cas, j'ai rêvé de ça. Bah merci, ah, c'est oui, c'est voilà, ça arrive, ça des choses. Sophie, prenez un micro là, il y a un micro. Alors, tu veux parler, vous voulez raconter? Attendez. Si, tout le monde parle. Sophie, après c'est vous. Ah. Allez-y, Sophie. D'accord. Si, je pense que c'est un rêve prémonitoire que tu as fait. C'est pas. C'est vrai, peut-être que tu es accroché au relationnel, peut-être que tu n'es pas vraiment croyante, on ne sait pas, ça te regarde, mais ça s'appelle un rêve prémonitoire en fait. Quand ton père t'a dit je suis désolé. Attendez, il y a un problème avec le câble là. Il faut bouger un peu parce qu'il a une seconde, le câble. Voilà, attends, Sophie, parlez, voir si ça marche. Oui, c'est bon. Ah, allô, allô, oui, on est rare. On est juste là, juste un problème des câbles, le micro, et on revient sur l'histoire de Métanoïac sur Pinod. Et voilà, t'inquiète Eric, on va crier. Oui, tu m'as manqué. Si, c'est un rêve prémonitoire. Planétaire. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre, peut-être quand on n'est pas croyant, quand on est un peu terre à terre, de se dire c'est bizarre, oh non, c'est dans la tête et tout. Non, c'est pas dans la tête. C'est ton père qui t'envoyait un message pour te dire qu'il était malade, qu'il était désolé, qu'il n'allait pas rester longtemps, mais que ça allait le faire. Donc voilà, c'était pour te rassurer. Bien sûr. Est-ce que vous avez une histoire comme ça, Sophie ? Vous avez une histoire comme ça, de monde parallèle, d'au-delà ? Ouais, j'en ai plein. Oui, une seule. Une seule ? La plus étrange. Bon, réfléchissez pendant ici, on a une. Moi, je ne sais pas si c'est par rapport à la religion ou pas, mais moi, puisque moi, je viens de Colombie, et chez nous, quand une personne est morte, la personne, elle peut nous voir une fois dans sa vie. Enfin dans les rêves, seulement une seule fois. Et ma grand-mère, elle était morte. Et je crois que 2 semaines plus tard, elle est apparue dans mes rêves, mais j'ai vu que son ombre. J'ai vu une grande lumière blanche et avec que son ombre. Et j'ai essayé de courir pour la voir, pour lui faire un câlin. Et en fait, j'arrivais pas. Et en me réveillant, du coup, je suis partie voir. Non, avant de me réveiller, elle m'avait dit je t'aime. Et quand je me suis réveillée, je suis partie voir mes parents directement en disant « Ouais, j'ai vu ma grand-mère, nanana. » Parce qu'elle s'appelle Lousmila. J'ai dit « Ah, j'ai vu Lousmila et tout, c'est quoi ça, etc. » Et en fait, le soir même, enfin la nuit même, pardon, ma grande sœur et mon père arrivaient aussi de ma grand-mère. Sauf que moi, du coup, moi, j'ai pu la voir que dans une ombre. Et par contre, mon père et ma sœur, ils ont pu la voir vraiment, vraiment bien, en lui disant qu'il ne faut pas pleurer, qu'elle est très bien où elle est, qu'elle est contente et qu'elle est enfin en paix. Voilà. Amen. Oh, merci. Attends, il y a une histoire là-bas. Ben, avancez-vous et prenez un micro, là. Merci. On a une nouvelle métanoïaque qui est arrivée aujourd'hui. On a des nouveaux métanoïaques. Ici, on est quoi ? On est 10, 12, plus ou moins ? Bon, je vais me rapprocher. Ouais, vas-y. On y est ? Alors, j'ai une histoire un peu comme Catherine. Alors, ma grand-mère est décédée quand est-ce ? Je me souviens plus. En septembre de l'année dernière. Non, l'année d'avant, peut-être. Bon, je me souviens plus. Et elle était chrétienne et son mari, le père de ma mère, était musulman. Mais lui était mort depuis fort longtemps. Et avant de mourir, elle ne savait pas qu'elle allait mourir, logiquement. Elle est morte dans son sommeil. Donc du coup, personne n'était au courant qu'elle allait mourir. Moi, j'étais la voir à son chevet. J'ai été jusqu'à Lille. J'étais là-bas. Et elle était chrétienne, ça veut dire... Pardon, désolée. Elle était chrétienne, donc du coup, elle m'a dit... Elle m'a dit, j'ai un truc à dire. Oui. Ma grand-mère étant ch'ti, elle m'a pas dit ça comme ça. Elle m'a dit, Mathieu Tlout, je vais te dire un truc. Je vais t'allonger quelque chose. Mi, je suis ch'ti, hein. Tu me connais bien. Et elle m'a dit exactement en arabe. Elle m'a récité l'attestation de foi. Elle m'a récité en arabe, donc ça fait... j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, Mohamed est son messager. Et quand on meurt dans la nuit même, donc en gros, elle est morte musulmane. Et ça, c'est choquant pour moi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure avant de sortir, je vois les morts dans mon rêve. Voilà, donc ce don-là que j'ai depuis que j'ai 5 ans. où je vois les morts. Et en fait, moi, je l'ai pas vu mourir parce que j'étais partie. Juste après, je suis partie. Je suis retournée chez ma tante, dans le nord toujours. Et la nuit, l'hôpital appelle et dit « Votre mère est décédée ». Bon, voilà, c'est choquant pour tout le monde pleure, blablabla. Moi, je dormais, comme d'hab. Hein. Dormais, quoi. Et donc, du coup, je l'ai vue dans mon rêve. Et elle m'a dit merci, elle m'a dit comme ça. Elle était très, très belle. Elle était belle à la base. Mais là, elle était encore plus sublime. Et je sentais qu'elle allait encore de mieux en mieux. Parce que quand elle est morte, quand elle est morte, elle avait une poche de caca. Pardon. Une poche, voilà. Et donc, quand elle est décédée, elle n'était pas dans un bon état. Mais moi, quand je me suis endormie, c'est là qu'elle est apparue. Voilà. Et elle était plus que apaisée. Et elle m'a dit, ça y est, je pars. Elle m'a dit, surtout à mon enterrement, ne pleurez pas parce que je vous verrai pleurer et ça ne va pas m'emmener super loin. Et elle m'a demandé de dire à toute ma famille, chose que je n'ai pas été dire. Je l'ai gardé pour moi, mais je le montre à tout le monde. Maintenant, tout le monde le sait. Elle m'a dit, je suis morte musulmane et je vais aller... je vais aller dans ma tombe. De toute façon, je pense qu'elle m'a dit, je vais aller dans ma tombe. Et que Dieu vous guide tous. Voilà. Amin. Voilà. Sur ça. Ouais, vas-y. Pour rebondir sur ça, pardonnez-moi si je me trompe, mais dans l'islam, il n'y a pas une vie après la mort ? C'est l'au-delà, c'est après la résurrection. Donc, ce n'est pas une vie après la mort. C'est plutôt, comment on appelle ça ? Dans l'islam, après qu'on soit mort, il y a la question de la tombe. Parce que dans la tombe, on a un jugement. Deux anges viennent dans la tombe et nous demandent trois questions. Quel est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Quel est ton prophète ? Voilà. Et si on ne sait pas répondre à ça, on a... Voilà, et boum. Ici, il y a quelqu'un qui disait « Je ne suis pas un prophète, je suis un poète. » Oh. On peut croire à son poète, pas à son prophète aussi. Hein. Oui. On a le droit. Hein. Oui. Attendez, prenez un micro. Sophie, tu peux prendre un micro. En fait, c'est plus... c'est dans la religion, ils disent que... Allô ? Oui. Allô ? Oui, c'est bon. Non, elle a posé une question très, très subtile. Prenez le micro, Sophie. Mais si, ça marche. C'est juste que moi... Non, mais gardez les deux micros. C'est juste que là, je contrôle le niveau. Donc, je baisse et je monte des fois pour ne pas avoir de bruit. Mais prenez le micro. Ça marche. Non, en fait, je lui disais, je respecte sa croyance. Je respecte sa croyance et le fait que sa grand-mère était chrétienne à la base et lui a parlé de sa croyance à elle avant de partir pour la rassurer, pour te dire que tout va bien, que même si elle est chrétienne, pour te dire que tout va bien en fait. Et c'est vrai qu'elle est chrétienne, mais elle n'est pas morte musulmane. Disons qu'elle t'a envoyé cet au revoir dans ta spiritualité de base, parce que tu es musulmane. Donc voilà, si elle t'aurait parlé dans ta spiritualité, qui est le christianisme, tu n'aurais pas compris. Mm-hmm. Donc voilà, donc elle t'a parlé, on va dire, dans sa langue à elle, dans son spirit. Mm-hmm. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle t'a récité des sourates, tout ça, avant de partir, pour que tu partes rassurée. Mm-hmm. Donc voilà. Et vous connaissez le... Oui, allez-y. Et tu n'iras pas en enfer si tu ne... Voilà. En fait, bon, moi j'aime bien... Enfin, j'étais la première de ma classe en psychologie. Et en fait, on dit souvent que le corps se distingue de l'esprit. C'est-à-dire que le corps est un moteur et l'esprit en est un autre. Ce qui veut dire qu'en fait, en chacun de nous, il y a une âme. Le corps reste, mais l'âme s'en va quand on meurt. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où elle va. On va être jugé un jour. C'est comme si on était en attente du jugement. Parce, enfin, moi, pour ma part, le jour où je mourrai, je dis Inch'Allah parce que ça arrive à tout le monde. Je ne connais pas ce jour-là, mais ce jour, on ne sait pas où on va. C'est des choses qu'on ignore vivant sur Terre, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Il y a des choses qu'on sait, mais par contre, il y a bien une âme qui se détache du corps et qui s'en va. Ça, oui, c'est sûr. Le corps reste et l'âme part. Et comment vous appréhendez la mort ? Vous appréhendez ? J'appréhende pas parce que je vis le jour le jour. Ah ouais, c'est pas bon de vivre le jour le jour. Hein. Pourquoi non ? On dit hamdoulah chez nous. Ouais. Ça veut dire on vit le jour, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ah, c'est vrai, bah, c'est bien, ouais, c'est bien. Ouais. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous ne savez même pas de quoi la minute qui vient est faite. Ouais, mais de toute manière, en fait, ce qu'il y a, c'est que les... Micro. Je pense qu'on a tous fait des péchés, que Dieu nous en pardonne. Mais de là à m'en reprocher, ben je souhaite qu'il me pardonne, mais on n'est pas parfait. Chaque être humain est loin d'être parfait. Il y a une histoire, sur Terre, pour moi. Donc il doit y avoir une histoire en dessous. Voilà. Alors en fait, c'est que moi j'ai grandi. Il y a une histoire. J'ai grandi dans une famille catholique, et en fait depuis qu'on est tout petit, on va à la mission locale. Oui, à trouver de boulot en plus maintenant avec la retraite. Non. On va à la mission étrangère de Paris en fait. Ah oui. À côté de Matignon. Et en fait, c'est un endroit où on devait y aller. On n'avait pas de petit ami en fait. On devait aller là-bas quoi. En fait, tous samedis en fait. Tous les samedis depuis que je suis né. Jusqu'à encore il y a quelques années, mais maintenant c'est pratiquement pareil encore. Maintenant c'est à Vincennes, c'est ailleurs quoi maintenant. Et en fait, on a étudié avec des gens on a tous étudié les religions pendant des années, les langues, la danse indienne, les trucs. Et en fait, c'était un bon endroit pour rencontrer des gens en fait, parce que il y avait les aristocrates du 10e arrondissement, du 11e, et puis il y avait plein de prêtres du monde qui venaient, des évêques et tout. On avait monté un réseau comme ça facilement quoi. Ouais. Et en fait, j'ai parlé beaucoup des religions, et en fait les protestants eux, les fervents protestants, ils vont vous dire en fait que ceux qui ont vraiment étudié la Bible, ils vont vous dire qu'on ira tous au paradis en fait, parce qu'en fait eux ils croient que quand Dieu il a créé le monde, en fait, Adam et Ève, ils ont mangé le... Et en fait, c'est une espèce d'épreuve. Il y a des gens qui sont déjà en enfer. Non, même pas, je crois. Ils croient même pas en enfer, je crois. Ils meurent, c'est fini. Et après, on va tous être ressuscités le jour du jugement dernier. Et après, on va tous aller au paradis, après. Non, moi, j'irai pas au paradis. C'est ce que lui, il a dit. C'était vraiment quelqu'un c'était vraiment quelqu'un qui connaissait, hein. Ah, mais vous pensez qu'un tueur va aller au paradis ? Je sais pas. Non, hors de question. Tueur en série va aller au paradis ? Vous pensez qu'un violeur de jeunes enfants va aller au paradis ? Perso, moi, je vais pas au paradis avec Poutine, hors de question. Mais lui, tu penses qu'il va aller au paradis ? Hors de question. Paradis Wagner, un truc comme ça. Allez-y, prends le micro, voilà, servez-vous. J'avais une amie chrétienne. Moi, juste pour finir, je pense que l'enfer, c'est quelque chose qui a été fait pour faire peur aux gens. Hein. C'est vrai. Hein. Ça marche. Hein. Les gens, ils ont peur vraiment, quoi, en fait. Ça a été fait pour faire peur. Ouais. D'ailleurs, même chez les musulmans, quand on est converti à l'islam, à partir du moment où on est converti, tous les péchés ils partent, en fait. Et après, il y a une nouvelle vie qui vient, quoi, en fait. C'est ce qu'ils disent, les gens. Que les convertis iront au paradis en premier, quoi. Quand on ne sait pas, il vaut mieux dire qu'on ignore plutôt que de dire des bêtises. Oui, mais c'est un gars qui connaît qui m'a dit. Hein. C'est un gars qui connaît qui m'a dit, en fait. Moi, je vais vous dire. Moi, je vérifie mes dires avant de parler. La dernière fois, j'étais venue, j'avais parlé des djinns. J'avais vérifié mes dires en prenant le Coran traduit en français. Donc, je suis allée vérifier. Donc en fait, c'est pas je parle avec une personne, elle me dit ça, c'est vrai. Non, je suis allée vérifier. Il y a des moyens de vérification. Ah, d'accord. Il y a des moyens de vérifier. Et il suffit de prendre un livre saint en français, de le lire, c'est tout. C'est une bonne démarche d'esprit critique, ça. Il ne faut pas écouter que les on dit, mais aller vérifier directement à la source. Bonne initiative. Mais pour reprendre très rapidement au sujet des méchants qui iront potentiellement au paradis. J'avais une amie chrétienne, je ne partage pas sa foi parce que je n'ai pas de religion personnellement, même si je crois en Dieu, qui disait que c'était beaucoup plus subtil que ça, avec le Christ et la résurrection des âmes. Si on était assez bon et qu'on avait accepté la foi en son cœur, on se retrouverait au sein de Dieu, donc dans la paix éternelle. Et si on n'y était pas, on serait tout simplement évaporé dans le néant. Donc en fait, il n'y a pas d'enfer éternel, mais seulement une non-existence. Et je pense que c'est beaucoup plus sain. Autrement, le Dieu serait un peu sadique et ce serait contradictoire avec la miséricorde divine. Ouais, c'est vrai qu'on lit des fois dans la Bible et ça, la réincarnation des, aussi. Des punitions pas possibles des dieux comme ça, des trucs très méchants quoi. Voilà. Donc, micro Sophie, vous prenez le micro s'il vous plaît. Sur des personnes qui ont fait entre guillemets, hein, qui ont fait du sale, et donc après la mort, c'est comme une épreuve, ils recommencent. Donc voilà, où ils sont réincarnés en quelque chose, mais pour effacer ce qu'ils ont fait dans le passé, ils recommencent une autre vie. Donc voilà, et là, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Après, l'enfer et le paradis, c'est selon tes faits et gestes que tu as là qui fait que toute action entraîne une réaction. Donc c'est sûr, bon, tu vas tuer un chien, bon, ça va être l'enfer émotionnellement. Donc après, est-ce que tu iras au paradis après? Je ne sais pas. Après, quand tu meurs, c'est vrai que par rapport à tes faits et gestes et à l'énergie que tu as laissée, tu vas aller quelque part, bien évidemment. Il y a une vie après la mort. C'est pour ça qu'ils ont plein de messages de leurs parents et grands-parents au moment de partir pour leur dire « je suis bien ». Et c'est vrai que quand on pleure, ils nous entendent et ça les dérange. C'est pour ça qu'ils nous forcent à avancer. Donc ça, voilà, ça les dérange. Et moi, ma grand-mère, je lui casse les couilles, quoi. Donc voilà, parce qu'elle est morte il n'y a pas longtemps. Et à chaque fois que je me réveille le matin, on dirait qu'elle me téléguide et je fais des trucs que je n'ai pas envie de faire. Mais à la fin de la journée, je dis à ma grand-mère, ah ben je me sens bien finalement. Donc voilà, parce qu'elle me force. Elle me force à sortir, elle me force même à voir des gars que j'ai plus envie de voir. Donc voilà, mais... Ouais, grave. C'est sûr que c'est votre grand-mère, ça, qui dit ça, alors. Et moi aussi, donc voilà. Ouais, Pedro. Mais sur le coup, j'ai pas envie. Mais après, à la fin de la journée, je me rends compte que ça me fait du bien. Donc elle me force à le faire parce que je casse les pieds. Elle est morte en décembre et elle m'entend pleurer, or qu'elle est bien. Et en fait... pour répondre à l'expérience que le docteur il m'a demandé, le jour de sa mort, quand je me suis réveillée, j'ai une vision comme toi. En fait, tu as des dons de médium. J'ai une vision et j'ai vu un viking. Donc voilà, je n'ai pas compris, je me suis rendormie. J'ai eu une vision et j'ai vu un viking. Donc voilà, et ma grand-mère m'a dit, mémé nous a quittés. Donc voilà. Donc non, parce que mon grand-père est... J'ai du sang viking, je m'appelle Adrienne Sen. Donc voilà. Et en fait, c'était une manière de me dire qu'elle est partie rejoindre mon grand-père. Tout simplement. Moi, j'ai une histoire similaire un peu. Et chez les vikings, chez nous, c'est le Valhalla. Il y a l'enfer, le paradis, Valhalla. Le Valhalla. Il y a un plugin qui s'appelle Valhalla, tu connais un plugin, ouais. Pour faire la musique. Oui. Il est très bon. Oh, ouais. Ouais, j'ai vu un viking, un truc de fou. Ben, moi, comme s'ils étaient venus la chercher. Mais ça, tu vois. Que tu fasses de la musique. On va faire de la musique tout à l'heure avec Ivna et Sophie. Ouais, vas-y, donc, eux, ils sont bien. Aussi, c'est le paradis, chier. Franchement, le paradis, il faut le définir aussi. Hein. Pour certains, le paradis, ça va être. Le paradis fiscal. Dis-moi ce que je dois faire pour passer une bonne journée. Ça va être argent, drogue et violence. Ça, c'est pas mon paradis à moi. Moi, si je devais définir vraiment le paradis, moi, je dirais que c'est de l'ataraxie, en fait. L'ataraxie, c'est le meilleur des paradis. Est-ce que tu peux nous expliquer ces concepts de l'ataraxie, qui est un concept cher à Épicure et les philosophes grecs atomistes? Qui connaît l'ataraxie parmi vous? C'est pas... micro. Pas bouger, enfin... Ouais. Bouger, enfin, se... Ah non, de pas pouvoir parler, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. L'ataraxie, c'est un concept... D'accord. Ataraxie, c'est ça, non? Ataraxie, non, ça c'est l'absence dire... de trouble, en fait. Exactement. C'est l'absence, en gros. Ouais, parce que t'as un don de médium. Après, on fera l'étymologie si tu veux. En gros, l'ataraxie, c'est une sorte de sérénité absolue, en gros. C'est quand t'es en équilibre avec toi-même, mais d'un stade auquel tu n'attends pas. Tu n'as plus de désir. Tes émotions, elles sont égalisées. Tu es dans le plus neutre possible. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien. Et en gros, c'est un repos. Tu es dans le repos, mais conscient de ce repos aussi. Micro. C'est conscient, tu n'as plus de désir. T'as pleuré en gros, t'es tranquille à vie en fait, c'est ça l'ataraxie. La tranquillité à vie, une sorte de. Ça dépose ta sécurité. Hein. Tiens, Vincent, prends. C'est ça l'ataraxie. On a un micro là. C'est une sorte de sagesse. C'est quoi l'ataraxie? Ouais, mais tout le monde peut l'atteindre en fait. C'est quoi ton prénom quand tu dis Italien? Par le paradis. Iptissem. Oui, parce que de son vivant, tu peux pas être dans l'ataraxie. Oui, mais c'est pas toi qui choisis. Iptissem, il veut parler. Après, pour le choix, ça, je sais pas. Ataraxie, comme il disait, c'est l'absence de trouble A. Le préfixe A en grec, ça veut dire absence. Et l'ataraxie, du coup, c'est l'absence de trouble. En gros, comme ils définissent le bonheur, ces épicuriens et autres, c'est vraiment cette idée de non-souffrance, en fait. Donc c'est plutôt apprendre dans la négative. Moins tu as de troubles, plus tu es serein. On essaye vraiment de trouver une forme de sérénité dans la contemplation pure et dans la non-passion, parce que la passion parfois peut être violente, la passion peut nous mener à des excès, et la passion peut nous mener à notre perte, en fait. Alors que si on reste calme, on trouvera la paix. En résumé. C'est exactement ce qu'il dit Épicure, un peu. La Taraxie, il disait, en fait, c'est l'état des dieux, des différents dieux, parce qu'il y a divinité, et qu'il dit que les dieux habitent dans les intermondes, c'est entre les mondes, entre les deux mondes, donc il y a une espèce de flottement, et qu'on n'est pas, comment dire, on n'est pas soumis au désir, à la passion, à la souffrance, on est dans une espèce de flottement, des clouds comme ça, heureuses, où il n'y a pas de... Oui, mais toutes les religions, en fait, sont monothéistes. On croit en un dieu. Non, il y a des religions qui sont polythéistes, comme l'hindouiste. Non, mis à part le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme et la religion musulmane, ce sont des religions monothéistes. Alors, pour le coup, non. Il n'y a pas que ça. Il y a encore des religions, notamment en Afrique subsaharienne, où l'animisme est extrêmement présent. On peut voir justement des bouts de divinité dans chaque parcelle de matière, ou chaque parcelle d'air aussi. Chaque atome aussi, et pas qu'en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie, que ce soit dans le shintoïsme, par exemple, en Chine, d'autres spiritualités au Japon, où on parle de panthéisme, pour le coup. Alors le panthéisme, petit moment étymologie, pan, en grec, ça veut dire tout, et théos, c'est Dieu. Donc Dieu en tout. Et les Japonais, eux, pour le coup, ceux qui y croient, du moins, pensent vraiment que chaque particule est dotée d'âme, que ce soit leur chat, que ce soit leur enfant, que ce soit la cafetière, même que ce soit les arbres, tout est animé de Dieu, en fait. Oui, oui. Ce qu'elle dit, c'est vrai, parce qu'il y a une sourate dans le Coran qui dit que les arbres se prosternent. Ah, donc, c'est beau, ça. Donc ce qu'elle dit, c'est tout à fait vrai. Ça rejoint une partie de ce qu'elle dit. Oui, oui. Il ne faut pas mettre le micro devant le truc, parce que sinon ça fait... Tous les dieux partent en brille. Non, mais c'est le taoïsme aussi, vous voyez, le taoïsme, c'est une espèce d'énergie divine, le Tao qui circule partout et qui se présente dans le vide. Hein, le Tao Te Ching, c'est ça. Et oui, mais tout est invisible, vous voyez, c'est un peu la matière obscure de l'univers, enfin, ce qui nous soutient, mais on ne sait pas ce que c'est. Enfin, et après, voilà. Mais moi, je crois que, justement, Épicure parlait de ça, de la multiplicité des croyances. Il n'y a pas un seul dieu, il n'y a pas une seule vérité. Il y a multiples vérités. Pour vous, c'est les Corans, pour vous, c'est les catholiques, pour vous, c'est l'hindouisme. Et oui, mais un dieu qui ne peut pas prendre de multiples formes, quoique, voilà, enfin, je ne sais pas, je passe. Allez, prends le micro. Il n'y a qu'un seul dieu, que ce soit pour les catholiques, les judaïques ou les musulmans. Il y a un seul dieu. C'est très intéressant comme débat, parce que je me suis un peu enseignée là-dessus, étant donné que j'ai fait de la philosophie. Mais oui, on s'écoute. Oui. Attends, micro, Sophie, exact, micro, parce que j'entends rien. En fait, je disais qu'elle avait raison, la jeune femme, quelle que soit la religion, c'est devenu monothéisme. Mais c'est vrai qu'avant, ce n'était pas monothéisme, il y avait plusieurs dieux. Il y avait le dieu de la rivière, tout ça, machin. C'est ça. Et les religions sont venues faire des religions monothéistes pour ne croire qu'on a un seul dieu parce qu'ils voulaient dominer les gens, quoi, tout simplement. Entre autres, oui. Puis oui, ça devenait un peu le bordel. Donc voilà, oui. Donc ils se sont dit, on va mettre un dieu avec des lois, comme ça va mettre tout le monde d'accord. Bah, visiblement, non, hein. Toi et moi, on n'a pas la même vision de la vie spirituellement, que je suis sûre on pense pareil. Mais comme on est de religions différentes, ça va foutre le merdier. Donc, quand on essaye de reprendre l'histoire des religions depuis que l'homo sapiens est homo sapiens et qu'il sapiens, c'est-à-dire qu'il pense, ça a été un parcours très sinueux. Au départ, on ne pensait absolument pas à la divinité. On pensait seulement à la survie et bah, comme des animaux, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'on est, le fruit de l'évolution. Ensuite, on a essayé de complexifier un peu notre manière d'appréhender notre environnement. Et c'est à ce moment-là qu'on a inclus le terme de divinité. Donc au départ, ce qu'il y a, c'est le polythéisme et pas le monothéisme. Donc on a compris qu'il y avait certains éléments qui nous dépassaient et nous régissaient aussi, comme l'eau, le feu, l'air, la terre. On connaît les cinq éléments, quoi, avec l'éther aussi. Et ensuite de ça, après toutes ces spécifications, toutes ces spécificités-là, petit à petit, à tâtons, on a essayé de les rassembler entre elles. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a essayé d'en faire un dieu unique en parlant de cause première. Et c'est là que la métaphysique des philosophes en antiquité ont réussi à rassembler le tout. Mais ça a été un très long processus avant d'arriver au monothéisme. Avant, c'était le polythéisme qui faisait sens pour les gens. Alors, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé, par exemple, pour la religion musulmane, de monothéisme. Et j'ai dit que dans une sourate, il est dit que les arbres se prosternent. Donc en fait, ça reste monothéiste. On ne dit pas qu'il n'y a pas une vie dans autre chose. Il y a une vie dans un arbre, il y a une vie dans une fleur, il y a une vie dans un chat, etc. Mais ça reste monothéiste. C'est intéressant. Après dans la religion catholique et dans le judaïsme, il y a peut-être des différences, mais chez nous, Jésus-Christ s'appelle Issa dans la religion musulmane, et David, je pense, s'appelle David. Daoud, pardon. Ouais. Mais pour reprendre à ce que vous disiez, quand les arbres se prosternent, etc., ce qui est tout de même intéressant avec l'islam, c'est qu'il y a ce concept de ruh. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le roi. C'est le souffle de vie, ouais. Voilà, le souffle de vie divin qui se trouve justement en toute chose. Et c'est à ça qu'on reconnecte un peu aussi avec les anciens panthéismes qu'on avait autrefois en Chine et au Moyen-Orient initialement. Ça ne remet pas en question monothéisme. Non, c'est une continuité, voilà, qui se fait. Voilà, ça remet pas en question. Toutes les idées d'ailleurs sont continuité. Le monothéisme. On croit en un seul Dieu, mais on croit en une vie, en d'autres choses. Mais quand on dit monothéisme, ça veut dire qu'on croit qu'en un seul Dieu, le Tout-Puissant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie dans un arbre ou dans un chat ou dans un chien, etc. Non, on est loin de là. Puisque sinon, dans la sourate, je ne sais plus c'est la combien, sinon je l'aurais dit. Eh ben, sinon, il n'aurait pas dit et les arbres se prosternent. Et il y a une autre sourate. Alors, j'ai trouvé le numéro de la sourate pour celles qui veulent vérifier, pour les djinns. C'est la sourate 72. Donc, il suffit de taper sourate 72 en français sur Internet. Vous tapez sourate 72 en français et vous allez comprendre que c'est quoi les djinns. Ce sont d'autres êtres qui vivent comme nous sur Terre, mais qu'on ne voit pas. Et ça vous avez le moyen de le vérifier avec Internet. Oui, ton micro, mais oui. Et c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on s'est mis à louer un seul Dieu par la force des choses. J'aime bien dire par la force des choses, donc voilà. Mais moi, après, ça ne me dérange pas d'aller dans un parc et de prier dans la nature et de m'adresser au Dieu de la rivière, tout ça. Et est-ce que toi, ça te ferait culpabiliser, par exemple, je ne sais pas, de méditer dans un parc, on va dire, sans prier de la façon dont tu pries tous les jours, juste d'être dans la méditation dans un parc. Oui, ça s'appelle la relaxation. Ouais. Oui, on peut se mettre dans un parc. Tu vas pas culpabiliser. J'ai un frère qui adore ça. Il se met dans le jardin de sa petite maison à la campagne. Il se laisse aller au murmure des oiseaux. Quand c'est son samedi, des fois il laisse sa femme, il va se ressourcer comme ça dans la nature. Il se laisse aller. C'est une relaxation, ça. Ça. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion. Oui. Micro, Sophie, micro. Pour moi, ça n'a rien de divin. Il se reconnecte avec sa nature divine à lui, il se reconnecte avec la nature et son état divin. Non, pour moi, c'est pas un état divin. Pour moi, c'est qu'il se relaxe avec la nature, il se détend. D'accord. Il prend une position de détente, de relaxation, d'écoute de ce qu'il y a autour de lui. D'accord. Mais là, je ne mets pas ça avec la religion, c'est autre chose. D'accord. Donc quand j'ai dit en fait que ton frère il se reconnectait avec son moi divin, non, juste avec la nature. Oui, voilà. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il croit ou qu'il pratique, ça ne le regarde que lui et personne d'autre. Ah, voilà. Parce que c'est vrai que, oui, on est tous dans une religion, il y a un seul Dieu, mais il ne faut pas oublier que, qu'on vient de plusieurs choses. On vient de la terre, on a été créé avec de l'argile, on souffre parce qu'il y a vrai. Des arbres. Voilà. C'est vrai que dans la Bible, c'est marqué aussi que les pierres et les étoiles se prosternent devant Dieu. C'est vrai qu'il a fait une belle création. Mais on a besoin de toute la création qu'il a faite pour exister. Lui-même, il nous dit de profiter, de jouir de ce qu'il a fait, pas que de. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai lu. Encore une fois, dit de jouir de ce qu'il a fait. Pourquoi on ne fait pas? Alors, il n'y a pas j'ai que peur ça. D'aller en enfer. Ouais, non, d'accord. Non, il n'y a pas que ça. Il a dit, j'ai créé les hommes et les djinns pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que la première chose qu'il ait faite, c'est créer l'univers, je pense. Ensuite, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le fait est que... Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais tu sais, même les djinns aussi jouissent de ce que ton Dieu, Allah, ton entité que... a fait. Tout le monde jouit de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que, en fait... Même les anges et les archanges, même les anges déçus, tout le monde jouit non, de ce qu'il c'est-à-dire, a fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui ne prient pas. Moi, la première. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne prient pas ou qui ne croient pas. Moi, je les invite à, au moins, s'ils ne croient pas, s'ils ne prient pas à croire en Dieu, parce que c'est ce qui nous est demandé, en fait. C'est, en fait, on est là pour l'adorer. On est là pour l'adorer, en pas fait. Que... Il nous a créés pour l'adorer. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Il y a la famille, il y a l'amour, il y a la tristesse, il y a la mort, il y a plein de choses. Excuse-moi. Mais ça, c'est fondamental. Hein. Et excuse-moi, j'ai une question, du coup. On est fait pour l'adorer selon le corpus islamique, mais comment on s'y prend pour l'adorer? Moi, je pense justement que contempler la beauté de la création, ça fait partie d'une sorte de rendu d'adoration, vous voyez? L'adorer, il existe ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam. Donc il faut respecter les cinq piliers de l'islam, à savoir la profession de foi, ce dont parlait la jeune fille, le ramadan, le hajj, l'aumône, et j'en ai oublié hein, la prière. Micro, madame, vous prenez le micro, s'il vous plaît. Avancez-vous, là, il y a un micro sur la table. Là, s'il vous plaît, oui, bienvenue à Radio Métanoïaque. Mais prenez le micro, là, il y en a un autre micro, là. C'est bon. Je suis la maman, je suis C'est pas, vous pouvez parler, la maman. Hein. Je vous remercie. Et du coup, c'est juste pour rajouter, oui. Alors, du coup, imaginons que l'un des cinq piliers ne soit pas... Enfin, on n'ait pas coché cette case-là, on n'aurait pas adoré complètement Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Attendez, mais je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas parfait, on a tous fait des péchés un jour ou l'autre. On n'est pas parfait, on essaie de l'être, et c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, la foi est en chacun de nous ou ne l'est pas, ça c'est personnel. En fait, ça ne regarde que la personne avec elle-même. D'accord. Vous voulez dire quelque chose, madame? Alors, je, par rapport à la prière, c'est-à-dire parmi les cinq piliers qu'elle a cités, la dame, je ne sais pas comment vous appelez, madame Yamna, voilà, la prière. Alors, le mot prière, déjà, c'est quoi en arabe? C'est salat. As-salat, c'est l'adjectif, c'est-à-dire, ça vient du mot sela. Et sela, c'est le lien. Ça veut dire le lien entre nous et Dieu. Voilà. Par la méditation ou par les gestes qu'on fait, nous, autant musulmans, c'est la même chose. Du moment qu'on a le lien entre nous et Dieu, peu importe la façon comment on le fait, on a cette cela. Salat, c'est cela, c'est le lien. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait de la... Tout à l'heure, on parlait. Tout à l'heure, on parlait d'une chose. On parlait de la vie après la mort. Est-ce que vous, il y a des choses que vous savez que vous pouvez dire? Alors dans le courant même, si vous avez, parce que je vois vous, vous citez. Plus proche un peu de la micro. Je vois que vous citez pas mal des versets. Alors la vie après la mort. Alors ce qui est marqué dans le Coran, il y a la vie barzakh. Si vous entendez de barzakh, vous avez déjà entendu ça. La vie barzakh, c'est-à-dire c'est une vie, certes, c'est-à-dire après la mort. La vie barzakh, personne ne sait, ça reste, c'est un miracle. C'est-à-dire Dieu, il l'a cité dans le Coran. Il y a la vie barzakh et qui fait l'âme, parce que vous, je crois que c'est Ibn Sam qui l'a cité par rapport à l'âme. Et roh, voilà. Parce qu'il le roi. Roh, c'est pas roh, le roi. Oui, mais c'est parce que c'est marrant, juste une parenthèse, dans l'écriture hébreu. Oui. Il y a le roi qui ressemble à la même chose, c'est-à-dire le souffle divin. Voilà, c'est le souffle divin, ouais. Exactement. Pourquoi peut-être que ça vient du mot arabe, parce qu'il y a beaucoup de mots arabes qu'on trouve dans le... Micro, prenez un micro tout le monde, parce que sinon les gens n'entendent pas, voilà. Et... Je pense que c'est plutôt l'hébreu qui était avant l'arabe à ce niveau-là, il me semble. Oui. Chronologiquement parlant. Mais tout ça pour dire qu'ils sont frères, quoi. C'est un peu la même chose, finalement. Alors, la vie barzakh. La dernière religion, c'est l'islam. Donc, avant, il y a eu le judaïsme, ensuite le christianisme, et ensuite, c'est la religion musulmane. Il y a plusieurs religions, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que trois. Oui, oui, il y a le bouddhisme. Oui, mais je parle des religions monothéistes. Alors, si on voit la religion musulmane, c'est juste elle a réuni toutes les religions d'avant. Sinon, le but, c'est c'est-à-dire l'islam, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir la définition qu'on donnait à l'islam. Parce que l'islam, c'est pas juste un mot comme ça. L'islam, c'était depuis Adam, c'est-à-dire le premier homme sur terre, c'est l'islam. L'islam, c'est soumise à Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait la soumise à Dieu depuis Adam jusqu'à, je sais pas, jusqu'à quelle la fin du monde, voilà, on ne sait pas. Ça reste, c'est Dieu qui définit ça. Et du coup, c'est juste pour... voilà, c'est juste pour définir le mot islam, parce que l'islam, c'est ça. Depuis Adam, il existe l'islam. C'est pas que ça vient pas que du musulman. Parce que la plupart, ils croient l'islam, ça a été créé que depuis le prophète Mahomet. Ben non, il existait bien les autres prophètes par avant, comme Jésus, parce que autant que musulmane, notre religion, je suis croyante musulmane, mais on croit à toutes les religions. Prenez un micro. On croit à toutes les religions et on croit à tous les prophètes. Oui, j'ai parlé de ça. Abraham, c'est notre père à tous. J'ai parlé d'Issa qui est Jésus-Christ et de Daoud qui est David. J'en ai parlé de ça. Alors, il n'y avait pas que ça parce qu'il y a plusieurs prophètes qui ne sont pas nommés, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'islam, mais il existait par avant. Rien que Bouddha, personne ne le cite, mais lui aussi, il était un prophète. Mais il n'est pas connu autant que... Comment ça, il n'est pas musulman? Il était croyant, il croit à Dieu. C'était avant le religion de l'islam. Mais prenez le micro là. Il y a un micro pour tout le monde. Attends, prenez les miens. Peut-être parce qu'il n'était pas relevé au même rang, divin que Jésus. Pour moi, Bouddha, c'est bouddhisme. Je n'ai jamais entendu parler de Bouddha dans le Coran. Les gens ne savaient pas. Maintenant, peut-être que je l'ignore, mais je n'ai jamais entendu parler de Bouddha dans le Coran parce que c'est Bouddha, c'est pas Dieu, c'est une statue pour moi. Non, c'est un sage. Mais après, il avait un message à dire aussi. C'est peut-être dans ce sens-là qu'elle disait que c'est un prophète. Ça pourrait être un prophète si on le. Il avait un message à dire. On écrirait le Coran aujourd'hui, on le mettrait dedans. C'est ça qu'elle disait. Si vous voulez, au sens de thème. Micro, madame, s'il vous plaît. Là, il y a les deux. Au sens de thème, on est tous des messagers. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer ce mot. On est tous des messagers. Certes, dans le Coran, il y a des messagers comme les prophètes qu'on connaît. Il y a 314 qui sont cités dans le Coran. Mais Allah, Dieu, qui est Allah, il nous a dit comme quoi il y a des autres prophètes qu'on n'a pas connus et qui vont venir. Ils vont venir à l'avenir. Et il faut qu'ils se dépêchent quand même un peu parce que là, c'est le bordel. Exactement. Hein. Et le mot qui va vous choquer, vous êtes tous des messagers. Et alors, ils vont se convertir alors, à l'islam. Mais mis à part les religions, j'aimerais aussi porter un petit message pour ma petite communauté à moi qui suis déiste. Oui, le déisme. Alors, le déisme, c'est une position philosophique qui consiste à croire en Dieu sans adhérer à un quelconque carcan religieux. Ça existe, pas que depuis les Lumières, ça existe depuis l'Antiquité. Et c'est une manière justement de trouver une sorte de spiritualité, de comprendre comment régit le monde et a été créé le monde, sans pour autant faire appel à des envoyés avec des messages bien définis par tel ou tel. C'est vraiment cette idée de Dieu nous a donné la raison avant la religion. Et moi j'adhère totalement à ce corpus, c'est pour ça que je me définis comme déiste aujourd'hui. Et ça permet justement bien plus de, comment dire, pas largesse, mais surtout de liberté intellectuelle, ouais, qui nous permet justement de ne pas tomber dans des carcans et des prismes religieux bien trop rigoureux, qui n'ont parfois pas de sens et qui parfois bafouent même le nom de Dieu. C'est un truc de fou, parce qu'à la base, c'est le message du Christ, de savoir prier tout seul, de s'émanciper spirituellement. À la base, c'est son message. On va mettre un peu. Ça d'ailleurs qu'ils l'ont tué, parce que du coup, ils n'avaient plus d'autorité sur eux spirituellement, donc ils gênaient. Donc voilà. On va mettre un peu de musique et on va revenir sur la question. Après, on a des lives en direct. Il y a Ivna qui va nous jouer ses chansons à la guitare, plus au Electrive. Il y a Siol aussi, Jérémy. Et on va revenir sur le thème. Il y a un petit peu de Johnny Cash, Personal Jesus, pour continuer la discussion. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Chacun son personnage Jésus, sa personnelle croyance. On est les métanoïaques. On peut croire en multiples choses et différentes vérités. Voilà. Et puis là, on a Ivna qui est là et qui va nous chanter ses chansons, ses compositions. Tu veux présenter, tu veux dire quelque chose sur ta musique, Ivna? Bah, je vais jouer Zombie de Cranberries. Thank you. Bon, moi j'y vais là. Bon, moi je rappe là. J'ai mon frère qui fait une petite dédicace là par SMS. Ouais. Il me dit parle-leur de la papaye à la radio, c'est trop bon. La papaye? Il nous écoute là à la radio là? Non, mais il m'a dit parle-leur de la papaye à la radio, c'est trop bon. C'est quoi la papaye? C'est un fruit. Oui, d'accord. La papaye divine. Vas-y, on est là, on est OK. Et Vincent, il voulait parler de son expérience mystique avec ses multiples, avec Ganesh, c'est ça? Ah ouais. Alors attends, Martin. Là, les gens, en fait, ils ont dit que ils vénèrent des dieux hindous. Et moi, je connaissais pas. En fait, c'était qui Ganesh, Shiva, Krishna. Je savais pas c'était qui quoi. Moi, je suis chrétien, moi. Et en fait. Bah, comme vous êtes chrétien, c'est normal parce que c'est dans le bouddhisme, ça. Non, c'est l'hindouisme. Ah oui, l'hindouisme. Voilà. Bon, je suis en train d'écrire un livre, là. Voilà. Il me semble d'ailleurs que le bouddhisme, en vérité, soit une religion. En tout cas, il y a plusieurs branches du bouddhisme, de ce que j'ai pu lire, mais il y a certaines branches où, justement, ils sont athéistes, en fait. C'est une religion, certes, mais qui n'a pas de dieu défini, en fait. C'est une philosophie, exactement. Alors que l'hindouisme, pour le coup, il y a des divinités plurielles, et une aussi, et c'est pour ça que c'était intéressant votre intervention tout à l'heure pour le sujet du monothéisme, une divinité qui est au-dessus de tout le reste et tout plein d'émanations d'autres micro-divinités qui font les travaux subalternes, disons quoi. Mais certains pans du bouddhisme, pour le coup, à la différence de l'hindouisme, il n'y a pas de croyance en Dieu particulière. C'est important de le souligner. Dans le bouddhisme, oui. En fait, il croit au yin et au yang. Il croit du yin et au yang. Il croit au nirvana, le nirvana qui est censé être un état de non-être. Enfin, on a l'impression parfois que quand on parle du nirvana, on parle comme du paradis judéo-chrétien, musulman. Oui, c'est génial, il y aura des fleuves et du miel, etc. etc. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Dans le bouddhisme, le nirvana, c'est vraiment cet état de non-être. Quand on se sera totalement dépouillé de son ego, on n'existera plus, en fait. C'est ça, le non-être. Et c'est la mission de tout, pré-Bouddha, disons. Voilà. Ça, c'est vrai, l'ego. Les morts de l'ego. J'ai une question. Question pour un champion. Bon. Allez-y. Bref. Ouais. Moi, j'ai en train d'écrire un livre, alors. J'ai une question. Et deux secondes. Non, tu peux continuer. La question, elle peut attendre. La prochaine. Okay. Oh, vas-y. Tout le monde a les droits à la parole, là. Tout le monde parle. En fait, je suis en train d'écrire deux livres, en fait. Il y a le premier livre, en fait, c'est un livre sur le commerce, en fait. Sur le commerce, le marketing, la communication et tout. La communication, le droit international, le monde de la finance et tout. Et la gestion du personnel, enfin c'est la prise de position, la gestion des pressions financières, la prise de contact et tout, c'est un livre comme ça. Le marché porteur, et bon, c'est un truc parce que j'ai fait. Comment il s'appelle ton bouquin? Ça s'appelle le guide du businessman, ça s'appelle. Wow. Ça s'appelle comme ça, ouais. C'est l'ego. Moi, j'ai beaucoup d'ego là. J'arrête avec l'ego, moi. L'ego, c'est quoi exactement? En fait, ce qu'il y a, c'est que là, je suis en train de me sentir bien, quoi, en fait. Et ça fait longtemps que j'attendais ça, quoi. Et si je me sens bien, j'ai écrit dans mon livre, en fait. Ce qu'il y a, en fait, c'est que je voulais des trop grandes choses, en fait, quoi, dans ma vie personnelle. Ouais. Et en fait, les schizophrènes, en fait, c'est des idéalistes. C'est des gens, en fait, quand ça vient à 17 ans et ça part à mon âge, vers 45, 46 ans, quoi. Et en fait, c'est des idéalistes. C'est des gens, en fait, il y avait une personne qui parlait ça à la télé qui disait que quand on rêve trop, c'est la psychiatrie, quoi. C'est-à-dire, on veut être ça, on veut trouver des réponses, parler à telle personne, connaître telle personne, réussir dans ça, écrire ça, devenir un artiste. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui deviennent ces gens-là à 45, 46 ans. Pas beaucoup, il y en a qui arrivent, quoi. Et ceux qui arrivent, en fait, Ceux qui passent du rêve au projet. Prenez le micro pour en discuter. Parce que j'ai une question. Pas. Ouais, mais c'est l'ambition. Ah, pardon, merde. C'est pas de l'ambition. C'est de l'idéalisme. Ouais, c'est l'ambition. On va dire je veux. Pour un champion. C'est l'ambition. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis très rapidement, désolé, je te laisserai la place juste ensuite. C'est de l'ambition. Alors, moi qui suis. Actuellement diagnostiqué bipolaire, je sais un peu ce que c'est que d'avoir des phases très up où on a l'impression qu'on va conquérir le monde, etc. etc. Ouais, bon, c'est des choses qui arrivent. Mais le truc, c'est que parfois, avec ces justement boost d'ego, comme on dit, il y a aussi des pics d'énergie qui nous permettent parfois d'accomplir des choses. Donc c'est pas si impossible que ça, en fait. Alors certes, je ne viendrai pas l'impératrice du monde, évidemment, mais parfois, que ce soit quelques petits exploits sportifs en amateur, que ce soit parfois quelques bons résultats à l'école, premier de sa promo, etc., etc. C'est ça, impératrice de son monde, c'est bien ça. Et sans mes pics d'énergie en phase hypomaniaque, j'aurais pas eu tout ça. Et comment on fait alors pour ça, de l'ego, des pensées grandioses, comment on fait alors, il a une question. Fait des petites choses de tous les jours. On va revenir sur l'ego, mais là, il a une question à poser. J'y ai répondu tout à l'heure. Mais laisse-la poser une question, personne ne laisse poser une question. J'ai une question. Where is Brian, please? In the kitchen. Oh, where is Brian? In the kitchen? In the bathroom. Ah, merde. In the bedroom. Yes, he sleeps. Il dort. Yes. I am American. Yeah. Good. Are you sure? Yeah. J'ai vraiment la réponse. Parce que, en fait, c'est très important, cette question. Quand on écoute, quand on parle, c'est l'ego, en fait. What? C'est l'ego, non? Non, en fait, quand tu parles, il faut distinguer ambition et ego. Merci. Goodbye. Je ne suis pas là dans 15 jours, mais la semaine prochaine, on est là. Être ambitieux, vouloir écrire un livre, c'est une chose bien. En plus, tu as un deuxième livre. Mais avoir de l'ego, trop se vanter. Moi, je fais ça, moi. Trop se projeter dans l'avenir. Et moi, je fais ça. J'ai l'ego, tu trouves ? Non. Moi, je ne juge pas. Moi, je ne te juge pas. Non, moi, je ne te juge pas. Moi, je te juge pas. Hein. Je te juge pas. C'est deux choses différentes. Tu as de l'ambition, tu veux écrire un livre, c'est très bien. Maintenant, l'ego, c'est trop s'aimer soi-même, vouloir faire trop de choses, vouloir dire je vais faire ci, je vais faire ça. Tu sais même pas si tu vas vivre demain. Pourquoi vous partez c'est, voilà. Mais oui, en soi, avoir moteur, de l'ambition, oui, bon, c'est très mercredi bien. Mercredi prochain, on est là. L'ego aussi, merci beaucoup, hein. Super, Isner. Voilà. Merci pour ton temps. Ah, mes lunettes. Non, c'est pas fini, on a encore une demi-heure. Attendez, merci. Je vois que ça bouge un peu, mais ça fait. Il y a le rappeur là. Ça fait que commencer, hein. Ça fait que commencer. Brian, ça fait que commencer. Donc on va enchaîner. Quoi, on enchaîne. Ouais. Metanoia. Ouais, vas-y. À la gauche, il y a Vincent Black. Vincent Black. Vas-y. Il y a Vincent Black. Vas-y. Et à la gauche, on a Loïc, un beatmaker. Et moi-même, je me présente, c'est Black Ace. On voit si on vas-y, va checker sur quoi, Vincent. Je t'ai choisi l'instru. On envoie ça, on envoie du lourd. Je t'ai choisi. Vous savez Vous saviez pas Oui, attends. Vas-y. En tout cas, c'est l'ego. Il faut que je travaille là-dessus. Attends, on est un peu cacophonique là. Non, je disais que l'ego et l'ambition, c'est deux choses différentes. Avoir de l'ambition, c'est très bien. Avoir de l'ego, c'est quelqu'un qui se vante trop. C'est quelqu'un qui dit je vais faire ça, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu sais même pas si tu vis demain. Mais avoir de l'ambition, faut pas mélanger. J'ai une question. Je suis d'accord avec toi, mais avoir des projets aussi, c'est de l'ambition. Ouais, j'ai des projets. Avoir des projets. C'est ça, voilà. Je veux dire Inch'Allah. Il faut dire Inch'Allah, voilà. Inch'Allah. Alors. Inch'Allah. Oui. Ouais, j'ai beatmaker là-bas, rappeur, danseuse. Je sais danser. Oui, on passe à la session de danse. Là, il y a Imna qui met la musique. Là, il y a ma place dehors. Il y a la place pour tout le monde. Oui, il y a la place dehors, mais voilà. On passe un moment de danse, chante. Alors, yes. Imna, il fait un peu de rythme là. On cherche une instru, on n'a pas d'idée. Donc là, je dis à vous si vous avez une musique, on prend l'instru. Une musique qui vous parle comme ça, là, direct. N'importe quelle musique, ouais, on prend. J'en ai une. Ouais. Moi, j'ai. Comment il s'appelle Attends, laisse-moi réfléchir. Attention avec le micro qui tombe pas par terre parce que sinon on n'a pas assez. Le titre, comment elle s'appelle? Mince, pardon. Offset, Caribi, Clout, Clout. Je peux pas. YouTube ou. Ouais, vas-y. C'est comment? Ouais. Oui, attends, Imna, attends, on va changer un peu de... Tu as pas un mini jack? Non, tu as pas un... Non, j'ai pas jack. Mais tu as quelle chanson tu cherches? C'est Offset. Attends, je vais baisser un peu Imna, mais on va revenir, hein, t'inquiète. Offset. Offset, comment on écrit ça? O. Offset, comment on offset de la... les rencontrer. O. J'ai perdu le truc, une seconde, j'arrive. Parce qu'il faut que je mette ça sur le... Il a fait son coming out, l'autre. C'est qui a fait le coming out? Qui ça? Pardon. Bon, allez. Il y a quelqu'un qui était dans un placard et on est sorti. Oui. Parce que tu m'as... Offset. O-F-F. Prends la guitare. Prends la guitare. Offset fit. Carby. C'est pour ça qu'elle a divorcé. Attends, et Vincent, on fait pas comme ça avec le micro parce qu'on entend tout. On parle. Ok. Ouais. Donc, attends, c'est Offset, alors, quoi? Alors, Offset fit Caribi. Comment tu écris ça? Voilà, mais merci. Cardi B. La musique, c'est Clout. Instrumental, hein, parce que, logique. C'est Clout. Ok. La ça donne quelque chose, elle est forte. Une bonne instru. C'est la pub. Il est 17h42 sur Radio Metanoia. On est dans le printemps, on a parlé de toutes les religions du monde, des divinités, et là on passe à la partie musicale. Voilà, on a une guitare, on a trois voix, on a deux danseurs, voilà, on a deux philosophes, un technomane qui est allongé mais qui va reprendre le contrôle là. Viens ici là, et les livres, ta tablette là, tu veux jouer la tablette? Viens, oui, viens, comme ça on joue tous là, et vous, et le xylophone. On va faire la chorale électro divine. Sur YouTube. Voilà, on se prépare là. Tout le monde prend ses instruments, ses tablettes, sa voix. Aller sur YouTube. C'est non, là ici ça marche pas du tout. Mais tu te trouves pas là-bas? Là, tu vas sur YouTube. Voilà. Bon, on peut jouer autre chose pour l'instant hein, parce que c'est. Voilà, il faut pas approcher le micro de truc, mais vas-y, Siol. Pas un truc. Ça va être là. Hein. Mais il s'est fait un truc comme ça. Tu rajoutes une page. Ah là là. Voilà. Un peu de pause dans la vie du Seigneur. Dans la vie de ces citoyens. Mais quand tu as rencontré Ganesh, vas-y, parce que ça c'est important. Lui, il veut parler de Ganesh. Vas-y. Pendant que connecte la musique. En fait, Ganesh est le droit de l'intelligence, de la sagesse, du savoir, de la prudence et de l'éducation. C'est lui, Ganesh. C'est le dieu le plus adoré chez les hindous. Oui, mais à un moment donné, tu m'avais dit. La déesse a plusieurs bras aussi. Ça, c'est Krishna. C'est une personne. C'est une personne. C'est ça, c'est Ganesh, ouais. Krishna. Et en fait, Krishna, c'est une femme qui sait faire beaucoup de choses. Et en fait, elle change de visage. Vous avez appelé ça comment, les gens qui changent de visage, vous avez appelé ça comment? La transfiguration. Pas, voilà, les traîtres. Il y a les traîtres aussi. Hein. Ceux qui changent de visage, en fait, il y a les psychiatres et les gens... C'est pas Macron, hein. Non, c'est autre chose, ouais. Il y a les gens qui sont autour de... Il y a des gens qui arrivent à voir ça. Et il y en a qui croient pas, en fait. Ok. On est sur Radio Métanoïaque, sur Pinot. Voilà, on connecte la musique, on cherche. Ouais. Et là, il y a Seul qui commence à mettre un peu sa techno. Il y a Igna qui est prête. Et il y a Krishna qui nous. Donc en gros, il y a trois instrus. Il y a une instru de Loïc, la guitare et Cardi. Non? Loïc? Si, vas-y, on voit un truc. Ouais. Attends, si on ne pose pas le micro comme ça, mets-le là, ok, on y va. Vous êtes prêts? Ah, je vais essayer. Ah, attends, je me cache. Ok. Tout le monde debout, je pilote la prod en deux roues. Tout le monde debout, je pilote la prod en deux roues. Tout le monde, ok. Ils se disent pur et dur, réellement j'en suis bien sûr. La musique perdure, ouest, est nord et sud. La musique perdure, West Story Sud. Qui peut m'arrêter quand je suis dessus? Je suis au-dessus. Qui peut m'arrêter quand je suis dessus? Je suis au-dessus. Qui peut m'arrêter quand je suis dessus? Je suis au-dessus, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Levez les mains en l'air. Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Levez les mains en l'air. Hold up, ok, ok, ok. Levez les mains en l'air. Mon feu n'a pas de couleur quand bien même il est arc-en-ciel. Je suis le genre de Renoir qu'ils appellent Pellegrino. Je suis ce genre de Renoir qui décide dans le son. De plus en plus je produis. Le jeu promovige à renverser le world par le pouvoir des works. Le rappeler l'équité au work quitte à devenir un wolf. Ok, ok. Je me bats pour des causes qui me semblent justes. Plus dans les armes brutes, moi dont les armes brûlent. Yeah. Hey, je paie ma destinée, je crois que l'armée est chinée. L'idée est de faire halluciner, ciné, ciné. Qui peut m'arrêter quand je suis dessus? Je suis au-dessus. Qui peut m'arrêter quand je suis dessus? Je suis au-dessus. Ah, c'est un peu trop rapide. Il faut que j'envoie un plus lent, un texte plus lent. Un texte plus lent, on va refaire. Ah, je trouve, t'inquiète, je trouve. Faut pas le micro, super. Oui, bravo. Qu'est-ce que se passe? Non. Je voulais savoir si on balançait l'instru de... pour les kickers là. Ok, il y a des changements. Switch. Ok, le changement de son va changer maintenant. Ton son. Bip, chargement. Pas d'erreur, ça... 404. Erreur, fatale, erreur. Erreur, erreur, erreur, erreur, fatale, erreur, erreur, erreur, fatale, erreur, erreur. Ouais. Attends, je fais un beat si tu veux, maintenant tout de suite là. Oh, du lait, trop bien, trop bien. Stick et des stick et des stick. Extasy. Prends de l'extasy. Extasy. Extasy. Extasy. Ok. On s'extasie. On s'extasie. On existe. Vas-y. Loïc. Loïc. Loïc. Ah, d'accord. Moi, c'est Richard. Ah, oui, oui, oui. C'est toi qui t'es fait les motifs sur Edouard. Ah, ah. Oui. Changement d'ambiance. Non, c'est pas moi, c'est Blam. Ah, c'est pas toi. Non. C'est super beau. C'est du aîné. Non, c'est du Jaguar. D'accord. C'est du aîné. Changement d'ambiance. Sur la guitare, j'ai peut-être un truc en fait. Sur une guitare solo. Tu me suis? Ouais, vas-y. Oui, ça reste... Je c'est continue de. Je vais te dire. Ok, c'est parti. On va kicker. Yeah, yeah. Est-ce que je peux être en roi derrière? Je vais faire tir. Tir. Good, good, good, good, good. Mince. C'est bon, vas-y, continue. C'est bon. Continue, continue. Ok. Ok. Skulu, skulu. Ok, ok. Ça commence souvent ainsi par un aimant indéfinissable. Elle s'est présentée chichi tel un dangereux garçon. Elle s'est présentée chichi tel un dangereux garçon sage. Seulement pour elle et ses copines. Seulement pour elle et ses copines, je n'avais rien d'admirable. Oh là là, Amélia, tu es d'une élégance si rare et rarement une femme adibite. Ok, bon, on reprend. Ok, on reprend, vas-y, c'est moi. Tu es d'une élégance si rare et rarement une femme intimide. Vénus, ta divine pourrait être le reflet. Okay. Je vais ralentir. Attention, je vais ralentir. J'ai un bout de vif, c'est pour ça. Je vais essayer de ralentir. Vas-y Vincent, vas-y, prends le micro. Vas-y Vincent, balance le son. Ok. Tu es qu'une élégance. Ok. Vas-y. Mais faut mettre mon micro là. Le micro. Tu es une élégance si rare. Tu es une élégance si rare. J'ai pas envie de rappeler ça. Vénus ta divine pourrait être. On a le beat. Le reflet de ton image. Car tu n'as rien d'insipide. Mais comme j'ai l'amour public, je peux le dire en public. Dès lors que tu dis on me pique pour que l'amour devienne. Quand je te vois me faire son bal, je... Okay. Quand je te vois je me faire son bal, je m'exprime avec en face. Si je te dis je t'aime en face, je le ferai sans embâche. Quand je te vois me faire son bal, je m'exprime avec en face. Si je te dis je t'aime en face, je le ferai sans embâche. Je le ferai sans embâche. Les jours passent, je t'arrête à t'oublier. Avant de te revoir à la plage, je suis prêt à tourner la page. Mais ta vie n'est plus pas vie. Serais-je devant un mirage? Je ne vois plus le temps qui passe. Je crois que j'ai le cœur qui lâche. Pourquoi j'ai fait dorer? Les mots sont des cœurs amicaux. J'aimerais tenter de faire un truc sans penser pour un animal. On lutte quand rien ne va plus. On lutte pour arriver à nos buts. Pour plus que des thunes, les uns, les autres. Tant qu'on est bien de soi à l'autre, on connaît le chemin. Ok, d'autres le font contre le racisme. D'autres le font pour leurs droits. À mort le capitalisme. D'autres me suivront dans ce choix. On est là, on fait place. On est là, on fait place. Merci. On est là, on fait place. On est là, on fait place. Yes. Luttons pour maintenir la force. Luttons, on laisse un avenir propre. Ouais, chante-moi. Ouais, chante. Vas-y. Prêt? Bon, mettez une musique. Mettez une musique. Non, je joue pas la guitare. Il faut mettre une instru. Mets une instru. Il y en a qui sont pas là, qui vous rendent du service. Or, qu'on est là, on est entre amis, on vous donne du love et vous parlez de toute l'ana dans les chansons. Non, pourquoi pas nous. Donc, Le frère, on est là pour lui. Pour lui, à Média. Ouais, attends. Avec toi, t'aurais fait un album, d'accord ? mais tu lui parles le rythme au médecin, tu lui parles d'un médecin. Merde. Il y en a marre des spectres de l'aide, de l'ex. Ça va être le prochain sujet. Les spectres des ex, il y en a ras-le-bol. Voilà. Merde. Moi, c'est ce que je dis aux gars avec qui je vais au restaurant. Tu me regardes comme ça, donc voilà. Moi, je dis, t'as pas fini. Tu me rappelles quand t'as fini. Tu me rappelles quand t'as vraiment fini avec elle. Il n'y a plus son contour, il n'y a plus rien. Voilà. Je avec elle. Moi je fais quoi? Moi je suis une remplaçante. Je suis sur le banc des remplaçants. Moi? Jamais. Moi je suis dans la tribune présidentielle. Voilà. Quand il aura fini avec son ex, il m'appelle. On va s'amuser. J'en ai marre. Eh mais comment elles font ces nanas pour me rendre cinglée? Moi un jour je vais prendre un sujet. Je vais dire comment elles vous font pour vous rendre cinglée. Où est-ce qu'elles ont trouvé le bouton? Où est-ce qu'elles ont trouvé le bouton? Parce que moi aussi j'ai envie de rendre cinglé un mec. Moi aussi j'ai envie qu'on fasse une chanson sur moi. Mais je connais plein de gars qui font des chansons sur ses ex, des hits sur leur ex et tout. J'ai dit, mais hey, personne n'a rien. C'est pas normal. C'est le propre. Non, arrête avec ça, t'es encore perché. Il me parlait de son ex il y a 7 ans. Tout à l'heure, j'ai entendu comme ça. Je me dis, oui. Mais que fait Madame Café, Madame Fichard et le docteur Carasso? Que fait la police? Il parlait il y a 7 ans. Je dis ouais, je prends ça. La vie sur quel bouton, Vincent? Eh ma chérie, vas-y. Et on a deux minutes pour Metanoia. Voilà. Et voilà, et on a le sur la machine rythme, hypna, la guitare, et tout le monde en cacophonie. Ah. Moi les gars, mais qui sort, il n'y a pas d'ambiguïté. Eh, le père de Noé, il est plus là, il est dans la friend zone. Mais il y a des gars avec qui sort, ils sont là, ils parlent de leur vie. T'as pas fini toi. Bah si, Jérémy. Voilà, fini tout. Jérémy, Vincent. Et reviens me voir. Attends, j'ai combattu. Jérémy, Vincent, on a une minute. On peut dire au revoir à tout le monde. Au revoir, Pinot. Au revoir, Metanoia. On est. Ouais, j'ai dit divorce, fais un truc. Ok, on écoute. Allô, on y va. Vincent, vas-y. Je disais ça, c'est pour ton avocat. Tout le monde parti. Après, parler de Dieu. What the fuck? Tout le monde parti en brie. What the fuck? Une autre prophète vient arriver. Oui, mais pas officiel. Le poète, surtout. Je parle du gars avec qui j'ai couché le mois dernier. Je parle pas de ton ex, Vincent. Ça se mesure, Capella. Vas-y, on y va. C'est quand faut y aller, faut y aller. Ok. En rap, ça fait a cappella. On vous suit donc. Eh, là, je vous donne du rap, ce n'est pas du rap, des mesures incommensurables, comme ce est immesurable. Hé, hey, j'écris du hardcore, je tue ça avec une classe. Un texte perdurable, l'été est une tasse, quant aux médias, une péridurale. Le peuple avance en une marche, il n'a pas plus d'éther qu'une masse. Tu vois, il n'y a pas plus d'éther qu'une masse. Le son est pur là, le son est pur là, le son est pur là, le son est pur là. Pour la vie, plus calme, au mieux tu réussis. Au pire, tu rattaques la réussite présidente. Que tu as plus d'âme, paix nulle part, tu vois. Plus d'âme, paix nulle part, paix nulle part. Une lame pour reconnaître qu'on a encore une âme. Parce qu'il est avec son ex là, il est avec moi, Camélia. Vas-y. Et moi, on... C'était Radio Metanoia, à mercredi prochain. Et on est parti en cacahuète. Merci tous les dieux et les divinités. On a l'impression qu'il est là, en train de la niquer. À la ouais, vas-y. On croit en tout. Et c'est quoi, je suis comme ça la poésie. Je me dis, aide-le. Aide-le à la niquer. La multiplier. Niquer Amélia à deux. Et pas un seul. Voilà. Niquez-moi ce dossier qu'on passe à autre chose. Voilà. Voilà. J'ai une soirée. Elle a fait l'air bonne. Bonsoir, Metanoia. Avec des démons.